bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire une émission sur le championnat, on ne va pas faire une émission de la bande à Badiou, on va faire la première émission du Rétro Podcast, ce sera le premier de 2018. Ce soir, on va parler du parcours des Français en Coupe d'Europe lors de la saison 96-97. Vraiment une riche année en émotions, je pense. Et avec moi ce soir, j'ai Gabi. Salut Gabi. Salut Nico et salut Flo donc. Voilà, et Flo avec nous aussi, salut Flo. Salut à tous. Merci d'être là. Et donc voilà, saison 96-97, on va essayer de débattre pendant une bonne heure et demie ensemble sur cette saison-là. Alors on va rappeler tout de suite qui était qualifié pour les différentes coupes. Alors en Ligue des Champions, Flo il est là, c'est pour la JOCR, qui était champion de France 95-96 et qui avait aussi gagné la Coupe de France en même temps. Auxerre qualifié directement pour la Ligue des Champions. En Coupe UEFA, on retrouve Monaco qui avait terminé 3e, Metz qui avait terminé 4e, Lens qui avait terminé 5e, Montpellier qui avait terminé 6e et enfin Guingamp qui s'était qualifié grâce à la Coupe Intertoto. On va revenir tout de suite. Et en Coupe des Coupes, nous avons le Paris Saint-Germain qui était vainqueur l'année d'avant de cette Coupe et Nîmes. Voilà, c'est une grosse surprise. C'est la seule d'ailleurs, c'est la seule année où on a vu deux équipes françaises dans cette coupe. Nîmes qui a été finaliste de la Coupe de France. Et comme Auxerre avait gagné la Coupe de France et puis était champion de France, et Nîmes avait reçu une place pour jouer en Coupe des Coupes. Voilà, c'était inédit ça en fait, je pense, dans l'histoire. Ouais, c'était inédit. Ouais, D'ailleurs, c'était une belle histoire que Nîmes, comme ça, joue un tour de Coupe d'Europe. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais ils ont fait une belle prestation par rapport à leur... Bien sûr. Surtout qu'il faut rappeler que Nîmes était alors si je dis pas de bêtises, n'était même pas en deuxième division, devait être en National 1 à l'époque. C'est possible. Ouais. Voilà, et donc on va commencer par la Coupe UEFA. Alors, tout de suite, on va bifurquer sur la Coupe Intertoto. Flo, tu peux nous rappeler, si tu te rappelles un petit peu des règles de cette Coupe Intertoto ? La Coupe Intertoto, donc c'était un barrage avant la Coupe UEFA, il me semble. Ouais. C'était une sorte de barrage et donc c'était des clubs qui s'affrontaient, mais ça commençait tôt. C'était au mois de juin, juillet que ça commençait. Ça commençait en juin et ça finissait en août en fait. Ouais, voilà. Et puis c'était des clubs vraiment de seconde zone, des clubs surtout de l'Est ou nordique qui s'affrontaient. Attends, je vais vous faire rêver. vite fait, on peut retrouver Cliftonville, une équipe d'Irlande du Nord, l'Apollon Limassol, une équipe chypriote, le B68 Toftir, une équipe d'Île Féroé, nous avons Conwy United, une équipe du Pays de Galles, Sligo Rovers, une équipe d'Irlande, on retrouve l'Atakaora Minsk, une équipe biélorusse, voilà, enfin que des jolis noms. Que d'ailleurs, on n'écoute même plus parler vraiment maintenant. Quoi. Ouais. Pour continuer un petit peu, c'était des groupes de 5. Les clubs se rencontraient qu'une fois. Voilà, tout simplement. Il n'y avait pas de match aller-retour. C'était que des matchs aller. C'était bien suffisant comme ça. Et dans cette Coupe Intertoto, il y avait Nantes en club français. Il y avait Guingamp, Strasbourg et Rennes. Voilà. Et dans cette Coupe des Coupes, c'est l'en avant Guingamp qui ira jusqu'au bout, qui gagnera cette Coupe. D'ailleurs, elle est dans le palmarès de Guingamp en battant nos amis du Rotor Volgograd, une équipe russe. C'était des équipes pas faciles à jouer à l'époque, de toute façon. Les équipes russes, fallait essayer de gagner là-bas. Et Guingamp avait perdu 2-1. À l'aller là-bas et à gagner au retour au Rodourou 1-0. Et donc, avec le but à l'extérieur, Guingamp remporte la Coupe Intertoto et se qualifie donc pour la Coupe UEFA saison 96-97. Et on arrive tout de suite à cette Coupe UEFA avec les 32e de finale. Metz rencontre le FC Tirol Innsbruck, alors une équipe d'Autriche, 0-0 à l'aller, 1-0 au retour. Alors là, juste pour la petite anecdote, ce que je disais hors antenne, il y avait Michel Platini qui commentait avec, alors je ne sais pas qui, si c'était Charles Bietri, je ne m'en rappelle plus qui commentait encore à l'époque. Et juste avant le but, passe décisive, passe en retrait plutôt de Robert Pires. Et là, il n'y a personne à la reprise. Et là, tout de suite, tu as Michel Platini qui dit « et là, il y a le but ». Et en fait, il y a Rigobert Song qui reprend ce ballon et qui marque. Voilà, donc encore une fois, Michel Platini qui a été devin comme à chaque fois. Et là, on recule, Carsten Dutch. Déviation pour Robert Pires dans la surface. Robert qui va essayer de s'enfuir, qui réussit. Allez, Song, oui. Et le voilà, le but d'essai sur ce ballon, sauvé in extremis par Robert Pires. Ensuite, nous avons Guingamp. Alors, Guingamp, hein, le vainqueur de la Coupe Intertoto, ben, qui dès les 32e de finale, qui tombe contre une grosse écurie, l'Inter Milan. Défaite à Guingamp, 3-0 au match aller. Alors, dedans, hein, dans cette équipe de Guingamp, on retrouve Zamorano, on retrouve Yuri Djorkaeff, on retrouve Jocelyn Angloma, il y a qui d'autre, Zanetti. Pas l'international italien, c'était pas Peruzzi ou non Non, ça devait être Pagliuca plutôt. Ouais. Pagliuca, voilà. Voilà, ouais. Peruzzi était à la Juve. Donc, défaite 3-0 au Douro. Par contre, bah, match nul au match retour dans un stade complètement vide. c'était pas une grosse affiche. Et ils font quand même l'exploit de faire un partout à l'Inter Milan. Bon, défaite 4-1 sur l'ensemble des deux matchs. Nous avons Monaco aussi qui rencontre les Polonais de Hutnik Cracovie. Victoire 1-0. Au match aller en Pologne et victoire 3-1 au match retour à Louis II. Nous avons le RC Lens, malheureusement, le RC Lens qui tombe contre une grosse écurie, la Lazio de Rome. Défaite 1-0 à l'aller à Geoffroy Guichard, n'importe quoi, à Félix Bollaert. Et un partout au match retour là-bas, c'est pas suffisant. Montpellier, voilà, qui rencontre le Sporting Lisbonne. Un partout au match aller à la Mosson et défaite 1-0 là-bas. 16e de finale, le FC Metz rencontre le Sporting Portugal. Et là, victoire 2-0 à Saint-Symphorien au match aller, défaite 2-1, mais c'est quand même le FC Metz qui passe sur l'ensemble des deux matchs 3-2. Ensuite, nous avons Monaco qui avons affronté les Allemands du Borussia Mönchengladbach. Victoire 4-2. À l'aller en Allemagne, faut le faire déjà, et défaite 1-0 à Louis II au match retour. Ensuite, nous passons 8e de finale avec Monaco-Hambourg. Alors là, un match un petit peu plus facile pour Monaco, qui gagne 3-0 à l'aller et qui gagne 2-0 au retour. Metz qui continue en 8e de finale et qui rencontre les Anglais de Newcastle United, club de David Ginola, d'Alan Shearer, entre autres. Faustino Asprilia aussi. Un partout à l'aller. Et malheureusement, pour Metz, l'aventure s'arrête là avec une défaite par 2-0. C'était un match à St. James Park, je me souviens très bien. Metz avait failli en fait mener au score à un moment donné. Et on va dire qu'ils ont été un peu naïfs sur certaines choses. Et Newcastle n'était pas impressionnant à domicile finalement. Et par contre, c'est chez eux, je trouve, qu'ils ont fait une contre-performance. Finalement, parce que ils ont pouvaient gagner. Ouais, le match, ils l'ont pas vraiment joué. Je me souviens, je crois qu'il pleuvait ou il faisait très. Il y avait un temps. Ouais, le terrain était, les deux terrains étaient détrempés là-bas à Metz. Ouais, voilà. C'était le retour de. Je crois que Ginola était là ce match-là. Ah, sûrement, oui. C'était le retour de Ginola en France. Je me souviens de ça. Mais le FC Metz avait fait une bonne prestation et moi j'avais été déçu du fait qu'à un moment donné il y a eu le côté naïf des clubs français en Coupe d'Europe qui, faut dire, à un an de la Coupe du Monde, les clubs français ils avaient envie de briller sur la scène européenne. Il y avait de plus en plus d'équipes qualifiées pour l'UEFA comparé aux années précédentes, déjà grâce à l'Intertoto. Et j'ai trouvé vraiment les Français voulaient vraiment se montrer justement pour prétendre à l'équipe nationale dans tous les clubs. C'est sûr. Donc Metz qui passe à la trappe. On arrive au quart de finale et cette fois Monaco rencontre Newcastle aussi. Victoire à l'aller par 1-0 des Monégasques grâce à Sonny Anderson. Bon pressing. Benarbia. Avec ses petites jambes, il est passé. Ouais, il a donné un bon ballon à Thierry Henry. Anderson est au milieu. Oh oui! Et but! Oh, quelle action! C'est de Thierry superbement Henry. Fait, Thierry ouais. Henry. Au moment. Et bon timing surtout. Et Anderson. Ça, c'est extraordinaire ce que vient de faire Thierry Henry. Et au retour, Monaco qui explose Newcastle, 3-0. avec, je me souviens, un but de Sylvain Ledvanski, pas forcément du milieu de terrain, mais assez loin en fait, une frappe pure. Et Watson bien revenu. Bertsley battu par Ledvanski qui va frapper. Sylvain Ledvanski, une frappe des 25 mètres. Et je dois dire que Christophe l'avait annoncé avant le match, il m'avait dit il y aura un premier but de Ledvanski sur une grosse frappe. Et donc Monaco qui est qualifié pour les demi-finales. Ouais. Après, un bon parcours de Monaco. Alors il y a eu une petite frayeur face au Borussia Mönchengladbach où finalement... Ils gagnent par 4 buts à 3, ils loupent complètement leur match retour à Monaco, mais bon, c'est sans conséquence. Et demi-finale, alors les demi-finalistes sont Schalke 04, Tenerife, une équipe espagnole. C'est vrai que Tenerife, maintenant, je crois qu'ils sont en deuxième ou même troisième division espagnole. Et l'Inter de Milan, et Monaco va hériter de l'Inter de Milan. Et le match aller est catastrophique pour Monaco. Alors catastrophique, oui et non. Défaite 3 buts à 1, mais il y a un fait de match. Monaco obtient, concède un coup franc. Et là, les Monégasques ne sont pas du tout attentifs. Le ballon roule. Donc normalement, quand il y a un coup franc, normalement le ballon il doit t'arrêter. Là, le ballon il roule. Il y a une passe décisive pour Mauricio Gans qui marque. Et là, c'est un petit peu à la stupéfaction des joueurs monégasques, parce que le ballon n'était pas arrêté, les joueurs n'étaient pas prêts, l'arbitre n'avait pas sifflé. Alors, on peut jouer rapidement le ballon, mais normalement, dans la loi arbitrale, normalement, le ballon doit être arrêté. Et là, on voit bien au ralenti que le ballon il continue à rouler. Normalement, le but n'aurait pas dû être valable. Et après, Monaco, ça les a complètement déconcentrés. Ils perdent 3 buts à 1 là-bas, quoi, à cause de ce fait de match. Ouais, je m'en souviens. Est-ce que l'Inter a été un petit peu aidé par l'arbitrage? On peut dire oui. De toute façon, c'était un peu la mode en ce moment avec les équipes italiennes dans les années 90. Malheureusement. Et l'AS Monaco, si on peut rappeler quelques joueurs de l'effectif, il y avait une très bien sûr à cette époque. Hein. Parce que c'était Thierry Henry, t'avais Victor Ikpeba, t'avais Sonny Anderson, David Trezeguet. T'avais David Trezeguet, voilà, ouais. Au milieu de terrain, t'avais Ben Arbia et Enzo Schifo. T'avais aussi John Collins. John Collins, ouais. Superbe joueur, ouais. Levinsky aussi, comme t'as dit, qui avait marqué contre Newcastle. Emmanuel Petit qui était encore dernière année à Monaco avant de partir à Arsenal. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je pense que dans les souvenirs inconscients de plein de gens, Emmanuel Petit, il était déjà en 96 à Arsenal pour le. Ah ouais, non. Tu vois, mais en fait, il est toujours à Monaco. Ouais. Voilà, il est à partir de la saison 97-98, voilà, à Arsenal. Et en défense aussi. T'avais toujours Eric Dimeco et Martin Gétou. Ouais, mais. Dimeco, il jouait beaucoup moins. Il avait, je crois qu'il s'était fait les croisés. Il jouait beaucoup moins. Ouais. En effet. Et puis Martin Gétou qui postulait à l'équipe de France et qui sera parmi les rejetés. Les rejetés en hélicoptère. un an après, quoi. Voilà, malheureusement pour lui. Hein. Et lui, il n'a pas eu de chance après. Hein. Son après, justement, après son éjection de l'équipe de France, son éviction, pardon. De l'équipe de France, il a la roue qui a pas bien tourné en sa faveur, qui est parti à Parme, mais à Parme il a subi énormément de chantage, les dirigeants parmesans ont tout fait pour le dégoûter de jouer, enfin ça, ouais. Il a vraiment une fin de carrière très difficile, Martin Gétou. Ouais. C'est dommage parce que c'était quand même un très très bon joueur, Martin Gétou. Hein. Tout à fait, mais je trouve que Monaco, c'était cette année-là, c'était une équipe vraiment mature, et d'ailleurs, c'est cette année qu'ils sont champions de France, je crois, en 90. Oui, c'est ça, c'est l'année du champion. L'année du champion, et parce qu'en défense, quand même, il y avait quand même Franck Dumas, Gilles Grimandi, Philippe Léonard, le Belge, Lilian Martin, il y avait aussi Patrick Blondeau, le futur Marseillais, et tu avais Stéphane Porrato, remplaçant de Barthez. C'est ça. Tous les postes doublés, pratiquement. Hein. Au niveau du coaching, alors le coach, c'était... C'était Tigana, Jean Tigana. C'est l'année où Monaco termine champion de France, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va, hein. Il est entraîneur de Monaco à partir de 95, la saison 95-96, et il termine la saison suivante, là, 97-98, avant de partir à Fulham. C'est vraiment une superbe équipe hein, qui a joué Ah ouais, sur ouais, le ouais. titre à partir du moment où, où le PSG, on en parlera vite fait tout à l'heure, mais au mois de janvier, il y avait la crise au PSG, Ah là là là. la Ah fameuse ouais. crise des Brésiliens, des joueurs C'est africains ça. qui supportaient pas l'hiver. Et le PSG s'était effondré. Monaco en avait profité pour prendre la position de tête. Avait joué le titre d'ailleurs face au PSG à Louis II, je crois, dans les dernières journées. Monaco avait gagné avec les débuts de Sonny Anderson, je crois. Ouais, contre Nantes, c'était contre Nantes en fait. Le but, le tout dernier but qu'ils ont marqué, c'était Mickaël Landreau qui était monté en fait pour un dernier corner avant la fin du match, quoi. Et en fait, bah, c'est Barthez, je crois, qui récupère le ballon et puis il envoie le ballon de la main super loin. Et Anderson est tout seul à marquer dans un but vide, quoi, en fait. Ouais. Non, mais c'est pour revenir face à l'Inter de Milan, le match aller en fait, on va dire à Giuseppe Meazza, vu que San Siro c'est Oui, plus pour le Milan AC, pour le moins bizarrement. Et assez. donc, ouais, un match aller, je crois que Monaco ils sont très mal engagés, il y a un manque Ouais. d'agressivité. Le match, on va dire, il tourne à l'avantage des Milanais déjà à cause de l'arbitre qui siffle très peu pour les Monégasques. Moi, je me souviens l'avoir vu en fait avec deux potes en fait devant la télé ce C'était match-là. sur TF1. Et on avait dit, mais c'est pas possible, à chaque fois que tu vas en Italie, tu as un club français, tu te fais voler par l'arbitrage, c'est un truc incroyable. Et je me souviens Et l'Italie a joué. l'année suivante d'ailleurs Ouais. contre la Juve, ça avait été exactement, il y a eu les mêmes à peu Oui, près tout à en fait. demi-finale de la Ligue des Champions, il y avait à peu près le même souci d'arbitrage en fait. Même souci. Et donc, ouais, l'histoire du coup franc, déjà, la balle qui n'est pas arrêtée, qui roule et ça C'est joue ça. vite, alors que les Monégas sont pas replacés. Et grâce à Dieu, Monaco a de l'espoir parce qu'il y a ce but, en fait, qui vient d'être marqué dans les dernières minutes du match, je crois, pour faire le Pas contre toute 3-1. attente, hein, ouais. Et d'ailleurs, c'est un superbe but pour ceux qui veulent le revoir en vidéo. C'est un magnifique but en tir croisé en pleine lucarne, je crois. Mais l'Inter n'était pas impressionnant. C'était une demi-finale. Le stade n'était pas rempli. J'avais trouvé l'Inter vachement avantagé par l'arbitrage. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on verra en finale. Parce que finalement, on verra que Monaco, bon, en parlant du match retour, se fera sortir. Mais ils vont aller en finale contre Schalke. Et contre Schalke, ils vont avoir énormément de difficultés pour, on va dire, continuer le match jusqu'aux prolongations. C'est ça. Voilà, on voit que finalement, l'Inter, mis à part quelques individualités, n'était pas une grande équipe, en fait. Ils ont profité de plusieurs circonstances dans certains matchs. Et malheureusement, je trouve que bon, c'était une époque un peu noire pour l'Italie avec l'arbitrage en Coupe Le d'Europe. dopage, les trucs comme Ouais, ça, ouais. malheureusement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, au match retour, il y avait eu une petite. Toujours les bandes-annonces qu'il y avait avant chaque match. Donc le match, ça devait être le mardi, je pense. Et la semaine avant, il y avait la bande-annonce du match qui passait sur TF1. Alors malgré tout, je n'ai pas trop compris, le match était sur Canal, mais il devait y avoir les meilleurs moments sur TF1 le soir, je crois, enfin, en fin de soirée. Et je me souviens du celui qui faisait la voix off, quoi. Il disait 70e minute, Thierry Henry qui récupère un ballon et qui marque le premier but, 1-0 pour Monaco. 90e minute de jeu, corner pour Monaco, Barthez qui monte, le corner est tiré, et Barthez qui marque le ballon de la tête et qui qualifie Monaco pour la finale. Ce sera en exclusivité sur TF1. Je m'en souviendrai toujours de ce truc-là. Ils avaient essayé de rendre beau ce match-là. Et Monaco qui est passé pas loin de l'exploit quand même. Hein. Ils ont marqué 1-0, mais enfin un but, mais voilà, ça n'a pas suffi. Ce qui vient de se passer, c'est jamais. Vous voulez dire qu'il peut s'y faire un pénalty si Ah, c'est si litigieux? c'est vous qui le dites. Hein. Bon. Pourquoi pas? Il y a main là, et là, il dit Il y pas, avait il dit but. pas. Et là, il y a but. Et là, il y avait main avant. Et là, il y avait main avant, et là, monsieur Van der Ende accorde le but. Cette fois, Elias, c'est le premier, Ouais. Michel. Ouais. Et il est signé Victor Wembanyama, le meilleur buteur de l'AS Monaco en Coupe d'Europe. Mais juste avant, t'as Martin Djetou qui marque un but valable pour l'AS Monaco, qui Et est qui est refusé refusé. Voilà. pour une faute, en fait. Mais c'est les Milanais qui font faute sur les Monégasques, en fait. Et c'est hallucinant, quoi. C'est un truc, on n'a jamais vu ça, quoi. T'as vu ça, en fait, peut-être récemment avec des arbitrages à la maison avec Madrid et le Bayern il y a 2 ans ou des choses comme ça. C'est-à-dire que tout est fait, en fait, pour que l'équipe était, on va dire, largement avantagée pour aller en finale, en fait, quoi qu'il arrive. Et il fallait pas qu'à tout prix que Monaco mette ce deuxième but qui les qualifierait. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la bande-annonce, elle était un peu prémonitoire. Parce que le truc, c'est que Barthez, à la fin du match, il est vraiment monté, en Il est fait. vraiment monté. Il a essayé de dribbler, de remettre et tout, mais bon, Ça n'a pas marché, ça n'a malheureusement. pas marché. Mais ce match retour, malheureusement, c'était un scandale. Voilà. J'allais dire, de toute façon, l'arbitrage, on en reparlera un peu plus tard. Oui, finalement, ouais, voilà. Toujours des problèmes d'arbitrage dans le dernier carré d'une grande compétition, quoi. Comme quoi, les problèmes d'arbitrage, ça date pas de maintenant. Hein. Ah, ça date pas de maintenant, ça c'est sûr. Juste dire un mot sur l'Inter. En fait, l'Inter, ils ont vraiment eu, du coup, à partir de leur victoire en Coupe de l'UEFA, là, ils vont vraiment avoir eu du mal en Europe, quoi. Ça sera vraiment une traversée du désert jusqu'à la Ligue des Champions en 2009 ou 2010, qui gagne en 2010, je crois. Ah, il y a la finale de la Coupe UEFA l'année d'avant, hein. L'année d'après, je veux dire, après 97-98. Ils vont aller Ouais. jusqu'en finale et ils battront la Lazio 3 buts à 0. Et après, c'est vrai qu'il y aura une traversée du désert. Ouais. Et depuis leur victoire en Ligue des Champions, c'est ce retour dans la traversée du désert, quoi. Exactement, exactement. Donc, Voilà. Et donc, Monaco qui passe à la trappe, mais qui aura fait tout de même un bon parcours. Et malheureusement, on aurait préféré que ça se termine autrement. Et dans l'autre demi-finale, Schalke 04 battra Tenerife. Alors, défaite à l'aller 1-0 en Espagne et ils gagneront 2 buts à 0 au match retour. Et donc, la finale. Alors, finale de Coupe de l'UEFA, c'était pas en un seul match, c'était match aller-retour. Et donc, cette finale va opposer Schalke 04 à l'Inter Milan. Donc, match aller-victoire de Schalke, un but à zéro grâce, on le connaît très bien, Mark Wilmots, qui donne un léger avantage aux Allemands lors du match aller. Et match retour à Giuseppe Meazza, victoire 1-0 de l'Inter Milan grâce à Zamorano. Donc on aura le droit à une prolongation qui ne donnera rien. Et finalement, au tir au but, eh ben c'est Schalke 04 qui le remportera sur un score de 4 tirs au but à 1, je crois. Enfin, voilà, là, les Italiens au tir au but sont vraiment passés complètement à côté, quoi. D'ailleurs, je pense que justice a été faite finalement au tir au Ouais, but. voilà, ouais. Ouais. En Je plus, pense c'est que tout le monde Zamorano était qui. content. Finalement, moi, j'étais pas trop pour les clubs allemands à cette époque-là. J'avais toujours un souci avec les clubs allemands. Et d'ailleurs, avec ce qui s'était passé contre Dortmund, ça avait pas trop, ça m'avait pas Ouais, donné je plus comprends. d'envie de suivre les clubs allemands. Et bon, alors j'étais à moitié content, quoi, que ce soit Schalke qui gagne. Mais j'avais pas trouvé enfin les deux matchs exceptionnels, quoi. Je m'étais un petit peu Non, ennuyé, en fait. c'est vrai, c'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est que dans les buts, tu avais quand même Jens Lehmann, le futur gardien d'Arsenal. Oui. Et c'était déjà un super gardien au niveau des tirs au but. Hein. Il faisait grande impression. On va dire que Schalke avait une superbe défense et l'Inter avait également une bonne défense. Et finalement, le score de 1 partout sur les deux matchs était logique. Ah, c'était très logique, oui. On pouvait s'attendre au pire, malheureusement, au match retour avec les problèmes d'arbitrage. Et puis Schalke a résisté, je sais pas. J'ai pas en tête exactement les circonstances du match, mais Schalke a résisté pour pas se prendre ce deuxième but. Mais je sais que l'Inter a vraiment tout fait, le pressing à fond jusqu'à la fin du match pour mettre le deuxième. C'est jamais arrivé, heureusement pour les Allemands, parce que ça aurait été terrible, je trouve. Ouais. Compétition qu'ils ont un peu, ils ont un peu volé. Enfin, pour moi, enfin, mon Et en sentiment, plus, c'est ça. Schalke qui gagne la coupe à l'extérieur, en plus, hein. Ouais, il faut le faire, ouais. Finalement, contre Giuseppe Meazza, quoi. Ben là, par contre, le stade était plein, quoi. C'était plein. Mais j'ai souvenir de 89 où tu as aussi le Napoli qui gagne à l'extérieur à Stuttgart. Oui, oui, oui. Napoli de Maradona Maradona, ouais, c'est en vrai. UEFA. Je sais pas si ça arrivait très souvent justement que ça. Bah J'ai après, pas trop de souvenirs, ouais. faut dire que l'UEFA à un moment donné, je sais plus quelle année, c'est devenu sur un match la finale. Bah, l'année suivante. Ah bah d'ailleurs, voilà. L'année suivante, c'était la dernière année, voilà, où il y a eu un match aller un match retour. L'année suivante, bah, c'était l'Inter Milan qui gagnera cette fois 3-0 face à la Lazio au Parc des Princes. Ouais. Avec cette fois une équipe beaucoup plus forte avec Ronaldo qui était arrivé. Enfin, voilà, il y avait des sacrés, sacrés bons joueurs justement. Avec Zanetti qui est toujours, on ne sait même pas en quelle année il a commencé. Il a dû commencer en 1934, je pense, à l'Inter Milan. Voilà. Et juste une petite question. Moi, j'étais un peu jeune dans ces années-là, mais vous pensiez quoi de format de finale en match aller-retour? Vous pensiez que c'était bien? Vous aimiez pas, non? Bah, c'était trop long, j'ai trouvé, moi. Voilà. Déjà, la Coupe UEFA, tu commençais pratiquement en 128e de finale. Parce que t'avais trois tours préliminaires, plus les 32e, etc. Après, les clubs français commençaient qu'en 32e de finale. C'est vrai qu'il n'y avait pas le premier, deuxième tour, ils ne le faisaient pas. Parce que les premiers, deuxième tours... Tu reprenais encore des équipes un petit peu de l'Est, voilà, tu n'avais pas de grosses équipes. Et les clubs français commencent en 32e de finale. Mais voilà, c'était long. Et franchement, un match aller-retour, oh là, t'en avais marre. Mais surtout des matchs comme ça. Encore, tu as des matchs aller-retour où tu as énormément de buts. Bah, tu te dis, allez, ok, c'est du spectacle, c'est bien. Mais là, 1-0. T'as Wilmots qui marque à la 69e minute de jeu, mais je m'en souviens, je m'étais ennuyé devant le match, je l'avais enregistré et j'avais plus. Tu sais, t'as des matchs, t'as envie de les regarder encore une fois à l'époque, les enregistrer sur cassette, ouais. Et tu te les matais souvent parce que c'était bien, mais là t'avais pas envie de garder des genres de matchs comme ça, même le match retour, malgré qu'il y avait une putain de bonne ambiance à Giuseppe Meazza, c'était long. Alors en plus, il fallait avoir une grosse cassette parce que le match il a duré 3 heures en plus. Ouais, 2h40. Ouais, à peu près. C'est ça. C'est ça, quoi. Mais non, après l'année suivante, voilà, c'était en un match et c'est même mieux en un match. C'est vrai que tu te disais, pour les anciennes versions, on peut se permettre de perdre à l'aller pour essayer de gagner au retour. Mais bon, non, moi je préfère pas comme c'est actuellement, mais j'aimais bien l'ancienne version de la Coupe UEFA où tu avais juste une finale sur terrain neutre, voilà. Ouais. Même si Marseille n'a jamais gagné, mais bon, ça on en reparlera un autre jour. Voilà, c'est tout pour cette Coupe UEFA, donc avec la victoire de Schalke 04. D'ailleurs, finalement, ça réussit bien aux Allemands, hein, les Coupes d'Europe cette année-là. Hein. On verra justement avec la Ligue des Champions. On va tout de suite passer maintenant à la Coupe des Coupes. Et là, tu vas pouvoir un petit peu nous rafraîchir la mémoire, Gabi. Donc avec le Paris Saint-Germain et Nîmes qualifiés pour cette Coupe. Et on arrive directement. Alors, il y avait un tour préliminaire avec des équipes écossaises, bulgares, suisses. Voilà. On arrive tout de suite au 16e de finale. Et on arrive avec Nîmes bah, qui va rencontrer les Hongrois de Budapest Honvéd. Et là, je me souviens bien de ce match Nîmes Olympique qui bat à l'aller les Hongrois, 3-1 au stade des Costières. Il faut intervenir là, bien fait, Cyril Jeunechamp avec Di Fraya. Jeunechamp a poursuivi Di Fraya qui trouve Meillac dans la surface, qui frappe Jeunechamp, oui ! Oui, ça y est ! Ça y est ! Ça y est, Cyril Jeunechamp qui ouvre la marque et Nîmes qui mène au score après 20 minutes de jeu à peine en deuxième période. Il frappe ce corner, la sortie du gardien et but ! Et but ! Deuxième but et c'est Antoine Prégé qui marque ce deuxième but nîmois. Ils sont fabuleux nos copains nîmois, les crocodiles qui sur ce corner ajoute un deuxième but à l'immense gardien Weser, trompé pour la deuxième fois en 9 minutes. Nîmes reprend l'avantage et c'est beau. Allez, on suit ce coup franc frappé par Omar Belbey. Meillac, ouais, ça y est, superbe. Meillac qui met ce troisième but. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous faut ce Nîmois, Grégory Meillac, un amateur formé au club, passé l'année dernière à Grenoble, revenu au pays pour pourquoi pas qualifier son équipe pour un deuxième tour de Coupe d'Europe. Superbe match, franchement, des Nîmois, mais qui avaient une envie folle de jouer. Là, il n'y a rien d'ironique. Ils avaient vraiment envie de jouer cette Coupe à fond. C'était vraiment que du bonus pour eux. Donc, victoire 3-1 à l'aller et 2-1, victoire 2-1 au retour. Et donc Nîmes qui passe en 8e de finale. Mais c'est quand même un exploit. Voilà, Nîmes, ils sont en national, ils arrivent à battre une équipe hongroise. C'est vrai que À l'époque, on pouvait tomber contre ces équipes-là. Hein, tu connais pas trop ces équipes, tu sais pas trop ce qu'elles font en championnat, tu connais pas trop les joueurs. Mais là, Nîmes, je me souviens, ils avaient vraiment bien abordé ce match du début à la fin, quoi. Je me souviens de Johnny Ecker qui jouait à Nîmes, et je me souviens encore qu'il avait encore un plâtre. Ce mec-là, il a dû jouer avec un plâtre toute sa carrière, je crois, Johnny Ecker. C'est mal dit, ouais. Ouais, ça devenait un style, quoi. Donc, victoire de Nîmes qui passe en huitième de finale. Et Paris qui rencontre la modeste équipe du Liechtenstein, le FC Vaduz. Victoire 4-0 en après-midi. Ça joue en après-midi dans un stade vraiment... on pourrait croire que c'est un stade de division d'honneur de chez nous. Hein, vraiment un tout petit stade. Victoire 4-0 à l'aller avec une équipe presque bis. Hein, en attaque, tu retrouvais Bernard Alou, tu retrouvais... Roméo Calanda, voilà, tu avais vraiment une équipe B, mais bon, voilà, c'était trop, très très facile pour Paris. Et victoire au Parc au match retour, 3-0. Voilà, c'était une petite promenade de santé pour Paris, quoi, en 16e de finale. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, le Parc n'était pas du tout rempli. C'était plus un match de pré-saison, on va dire. Ça correspondait, si tu veux, la Coupe des Coupes, à cette époque-là, ça correspondait, on va dire, au 32e de finale d'une Coupe UEFA. C'était vraiment pas intéressant. Il y avait d'ailleurs le PSG qui était champion en titre, il faut le dire, qui sort de 96 avec la victoire contre le Rapide de Vienne. Ils ont perdu malheureusement Djorkaeff qui est parti à l'Inter de Milan, mais en contrepartie, ils ont gardé des joueurs comme Patrice Loco, Mboma, il y a toujours Deli Valdés, il y a toujours l'ossature en fait du milieu de terrain. Les grosses arrivées cette année-là, tu as Benoît Coé qui arrive de Nantes. T'as Leonardo aussi, qui arrive. Sûr, ouais, qui arrive du Japon, lui. Alors, du Japon. Kashima Antlers. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, c'est hallucinant parce que Leonardo, il s'était un peu perdu là-bas parce que on va voir que plus tard, justement après 97, quand il partira au Milan AC, il va faire une superbe fin de carrière, j'ai trouvé. Ça. Et je pense que c'est un des joueurs qui aurait peut-être mérité d'avoir des clubs qui s'intéressent plus à lui en Europe après son titre de champion du monde en 94, en fait. Mm. Et c'est un peu hallucinant qu'il se soit perdu comme ça. Et donc, il revient en Europe dans un club qui est champion en titre au niveau européen dans une coupe et avec des bons joueurs qui sont en équipe nationale comme Vincent Guérin. Jimmy Algerino aussi qui arrive. Ouais. Jimmy Algerino, quand même, qui sera un joueur assez. Un très bon joueur de Paris aussi à l'époque. Hein. Ouais. C'est sûr que ce n'est pas du talent des nouvelles stars qu'il y a maintenant, mais c'était un mec qui avait tout le temps sa place dans l'équipe, quoi. Il avait la hargne, ouais. C'était, voilà. Pour moi, c'était un petit Patrick Colter. Et j'avais bien aimé aussi, moi, l'arrivée de Grégory Pesley et Didier Domi, des arrières latéraux qui promettaient vraiment pour l'équipe de France. Bon, on les a pas vus plus haut que ça, après, malheureusement. Parce qu'il y avait Thuram, bien sûr, et puis... Des grands joueurs en équipe de France, mais je pense que ces joueurs auraient mérité une meilleure carrière après aussi. D'ailleurs, dans les départs, on peut dire l'entraîneur, hein, Luis Fernandez, hein, qui est parti à l'Athletic Bilbao et qui arrivera à monter le club à la troisième place qualificative pour la Ligue des Champions, en plus. C'est pas rien, hein, pour Bilbao. Ouais, ouais. Départ de Daniel Bravo à Parme, Patrick Colter qui partira à Bordeaux, Youri Djorkaeff, on l'a dit tout à l'heure, à l'Inter. Il y aura qui d'autre c'est tout après, hein. C'est Stéphane Mahé, Pascal Nouma qui partira à Strasbourg. Voilà, ça c'est des joueurs plus. C'était des bons joueurs, mais ouais, c'était second couteau. Voilà. Et Nicolas Anelka qui partira au cours de la saison Arsenal, hein, qu'on verra 3-4 matchs. D'ailleurs, il marque son premier but contre Lens, Nicolas Anelka. Et l'entraîneur donc, cette année-là de Paris, c'est Ricardo. L'ancien joueur du PSG, quoi. Ricardo et Bats en duo, en fait. C'était un peu inattendu parce que finalement, après le départ de Fernandez, tu t'attendais peut-être à un nom européen et ils ont été piochés dans le staff de parisien. Donc, chapeau à eux parce que ça a marché finalement. Ouais. D'ailleurs, il y a une autre arrivée, Cyril Pouget, qui arrivera en cours de saison du Servette de Genève. Qui sera un flop, hein, faut le dire. Ce sera un flop au Parc des Princes. D'ailleurs, il partira à Marseille après. Ouais, puis ça ne marchera pas non plus. Retour de prêt de Jérôme Leroy aussi. Ça, par contre, c'est un petit peu mieux, ça aussi. Ouais, Jérôme Leroy, c'est un joueur qui va être très important pour le PSG en Coupe des Coupes et en championnat. Parce que malheureusement, le milieu parisien avec le départ de Bravo qui n'est pas remplacé, etc., c'est un joueur qui est hyper important. Benoît Coët, je veux dire, et Laurent Fournier, ils ne pouvaient pas faire toute la saison avec Vincent Guérin. Il fallait des remplaçants. C'est ça. Donc, on arrive en huitième de finale avec Nîmes qui reçoit l'AIKA Football. Donc, l'AIKA, c'est une équipe de Suède. Et là, malheureusement, match aller, défaite 3-1 à Nîmes. Voilà, là, ils tombent contre une équipe peut-être beaucoup plus inspirée que Nîmes. Voilà, il y a des limites un petit peu à... On a beau être motivé, mais voilà, il y a quand même des limites. Et ils tombent contre une équipe, alors pas forcément plus forte, mais peut-être beaucoup plus, qui a un petit peu plus d'expérience. Donc, défaite 3-1 à l'aller au Costières et défaite 1-0 au retour. Victoire 1-0 au retour à l'extérieur en Suède. Malheureusement, ce sera pas assez. Et Nîmes qui s'arrête là, mais... Nîmes, quand même, qui aura fait un parcours sympathique, quand même, quoi. Passer c'était presque inattendu pour eux qu'ils soient en Coupe d'Europe et ils ont passé deux tours. C'est pas mal. Enfin, ils ont passé un tour, c'est pas mal. Je pense. Hein. Paris. Alors là, Paris, voilà, qui commence à rencontrer un grand d'Europe, quand même. Enfin, un grand d'Europe, une bonne équipe d'Europe, Galatasaray. Ouais. Et défaite 4-2 au match aller. Alors, est-ce que c'est à ce match aller où il y a eu des échauffourées? Non, c'est peut-être non, au match retour. C'est au match retour au Parc des Princes. Le match aller, en fait, ça s'est déroulé à Istanbul, dans le fameux stade Ali Samiyen, l'ancien stade. Ah, quel stade! Ouais, un stade d'ailleurs que les clubs européens n'aimaient pas. Où ils n'aimaient pas du tout aller jouer. Je me souviens de la Juve ou de Manchester United en Ligue des Champions des années plus tard. Ils ont toujours peiné là-bas, ouais. Ouais, énormément de mal. Et Galatasaray PSG, en fait, c'est un match qui se déroule très mal pour les Parisiens parce que finalement, ils font des erreurs défensives. Alors, au gardien de but, c'est Fernandez qui avait remplacé Lama, je ne sais plus pour quelle raison, et il devait être blessé ou suspendu, je ne sais pas du tout. Ou c'est pas à cette époque-là que Lama avait été suspendu pour des problèmes de cannabis. Non. Alors, il y a eu problème de cannabis et il y a eu qui s'était blessé lors d'un match, c'était Bastia-PSG ou PSG-Bastia. Ouais. Il s'était blessé à la cheville, je crois, il était mal tombé. Puis il y avait eu l'affaire aussi du cannabis qui avait eu lui, Barthez aussi, ouais. Je me souviens. Et c'était Vincent Fernandez au but à la place, ouais. Ouais, voilà. Et ça se déroule mal parce que je crois que les Turcs, déjà il faut dire que le Galatasaray à l'époque c'est la future équipe pratiquement de Turquie qui va arriver à maturité 4-5 ans plus tard pour la 3 ans même, ouais. Ah oui. Enfin, 3 ans plus tard pour 3 ans plus tard 2000, en gagnant l'Euro 2000 et en gagnant la Coupe UEFA aussi en 2000 contre Arsenal. Contre Arsenal aussi. Et t'as l'apogée avec la Coupe du Monde 2002 avec la Turquie en demi-finale. Troisième, ouais. T'as des super joueurs. T'as Kansoukour, Hadji devait y être, je pense. Tougaï, il y avait Ergun, il y avait Boulent aussi. Et Hakan Unsal. Il y avait Adrien Hillier aussi qui faisait ses débuts. Ouais, voilà. Je sais pas si... Ouais. Ouais, ouais, ça devait être lui que dont Florian cherchait le nom là, peut-être. Ouais. Et malheureusement côté PSG, c'était pas l'équipe à 100% optimale. Hein. Il y avait des joueurs en défense vraiment très très limite. Et le PSG perd ce match 4-2 en faisant des erreurs défensives assez lamentables. Et il se retrouve dans l'obligation au Parc des Princes déjà de gagner par 2 buts d'écart en défendant. Ouais. Et ouais. Ça va être très difficile quand on voit le match aller. Mais bon, tout est possible. Et on arrive tout est possible. Et on arrive donc à ce match retour qui se joue le 31 octobre 1996, je me souviens que c'était les vacances scolaires et que le match était sur TF1 jeudi soir. Et donc Paris qui va battre Galatasaray par 4-0. Le stade est presque... il y a encore 10 000 places, il y a 10 000 places qui sont vides, mais bon. C'est Leonardo qui va ouvrir le score à la 10e minute de jeu. Guérin devant le but, il n'y a pas de jaune. Tête d'eau, Vedat. Duncan. Oh, avec... Comme elle vient! Comme elle vient! De Comme Leonardo! Déla! But de Leonardo! C'est le coup d'envoi pratiquement! Et ensuite, Paris Saint-Germain qui va dérouler avec un but d'Eli Valdés à la 23e minute. Ça revient indemne de ce choc. Et c'est tant mieux. Plus spectaculaire que grave finalement et heureusement. Leonardo. Ouais. But de Deli Valdés, je vous avais dit Thierry. Julio César Deli Valdés. Je vous disais qu'il était hyper motivé, le Panaméen. Et c'est lui qui avait été séché sur Couffrand. Il y a 2-0 à la mi-temps, l'équipe est pour le moment qualifiée. Et ensuite, c'est Loco qui marquera la 59e. Deli Valdés. Lui, il est capable de faire la différence. Leonardo, centre de Valdés. But de Loco. Il avait dit qu'il marquerait Loco dans notre confrère l'équipe de ce matin. Eh bien, il a marqué. Mais Rai, à la 78e minute de jeu. Roche, Le Guen, Kennedy, Ngoti, très puissant. Waldor, très puissant, il va frapper. Non, il a préféré donner. Oh là, et le voilà, le quatrième. Le quatrième, il est signé Rai. Une petite balle piquée. Il est allé voir les supporters. Attention à ne pas prendre un carton sur cette affaire. Alors, match émaillé par des affrontements, enfin des supporters, je crois, qui arrachent les sièges, qui les jettent partout. Enfin, c'est un peu le bordel dans le Parc des Princes. Ce sera pas la première fois, hein, parce que c'est en 2001-2002 que Paris rencontrera encore Galatasaray, je crois, en Ligue des Champions. Ouais. Et qu'il y aura exactement le même souci d'échauffourée, en fait. Non, mais c'est clair que c'était un souci au niveau sécurité au Parc des Princes à l'époque. Bon, pour les gens qui connaissaient le Parc des Princes, il y avait facilement accès déjà aux tribunes, en fait. Il n'y avait qu'un filet entre les tribunes à l'extérieur, tu pouvais... quand tu étais sur le balcon à l'extérieur, hors des tribunes, tu pouvais avoir accès aux tribunes visiteurs en enjambant quelques barricades, Et je veux dire, les combats étaient faciles, en fait, entre supporters, visiteurs et parisiens, dans le stade même, juste à l'extérieur. Et c'était assez compliqué de gérer la sécurité à l'intérieur également, avec des clubs comme Galatasaray, et des supporters assez chauds qui carrément jetaient des sièges sur la tribune Auteuil, etc. Donc, voilà. Mais bon, ce match-là, pour revenir au match, déjà au match aller, on a eu la chance, comparé à Monaco, d'avoir un bon arbitrage parce qu'il y avait Pierre Gicolina au match aller. Et il n'y a pas eu d'entourloupe, on va dire. Et au match retour, bah, pareil, hein, c'est le plus fort qui a gagné, il n'y a pas eu d'histoire. Galatasaray a complètement disparu de la circulation au bout de 30 minutes. D'ailleurs, c'était un peu de la même manière que Steaua Bucarest l'année suivante, en fait, carrément 6-7 mois plus tard, en fait, s'est fait sortir avec un déboulement offensif du PSG. Bon, faut dire que le PSG à cette époque, Deli Valdés, c'était pas un joueur impressionnant. D'ailleurs, il était un peu moqué, je me souviens. C'était un peu la tête de turc des supporters. Ouais, c'est ça. Il ratait énormément d'occasions. C'était un peu, on va dire, un Cavani, mais qui marquait pas, en fait. C'est-à-dire que... C'était Cavani d'il y a deux ans, d'il y a deux ans, parce que maintenant Cavani, il arrive à marquer à peu près à tous les matchs. Ouais. Mais c'était le Cavani qui avait au début à Paris, qui n'arrivait pas trop à s'imposer. Pour ceux qui connaissent, il y avait Dagui Bakary aussi, qui n'était pas très bon, un joueur de première division de début 2000, qui était vraiment mais pas tôt devant le but. Ouais. Je ne sais pas qui c'est qu'on pourrait trouver en comparaison. Mitroglou, quoi. Mais en... c'est pire que tout. Mais c'était un Mitroglou un peu meilleur, quoi. Voilà. Là, t'es méchant quand même. Je suis méchant. Excusez-moi. Là, il a même pas fait une demi-saison, notre ami Mitroglou. Donc, ouais, c'est vrai. Non, mais là, Rai au PSG, je veux dire, qui donne toujours des bons ballons, il y avait toujours moyen, même pour un Deli Valdés pas performant, mal placé de mettre des buts. Hein. Il y avait quand même un beau triangle en attaque avec Loco, Rai et puis Benoît Coë juste derrière, etc. C'était une belle équipe qui pouvait battre les plus grands, je pense, dans cette Coupe des Coupes, arriver en finale comme ils ont fait. Ouais. Voilà, donc Paris bah, qui arrive en quart de finale, donc le seul équipe française qui reste. Et là, il commence à y avoir des gros quand même. Benfica, Fiorentina, Liverpool, Barcelone. Mais bon, Paris va avoir un tirage entre guillemets clément et va rencontrer l'AEK Athènes. Alors, à l'aller, score nul et vierge, 0-0. Mais je pense que c'est, si je dis pas de bêtises, ça doit être au moment où Paris est un petit peu sur le déclin ouais. Niveau du championnat. Alors, juste avant le PSG Athènes, j'ai oublié d'en parler, il y a la Super Coupe d'Europe. Et ouais. Hein, Paris qui joue en Super Coupe d'Europe parce qu'ils avaient gagné donc, la Coupe des Coupes. Et à l'époque, le vainqueur de la Coupe des Coupes rencontrait le vainqueur de la Ligue des Champions. Et ce fut un match entre match aller-retour en plus entre le PSG et la Juve. Et là, ça a été une catastrophe, une boucherie hein, au match aller, donc au Parc des Princes, le PSG qui perd 6-1 face à la Juve. Je me souviens, mais là, ça avait été ça a été vraiment un match, j'ai pas de mots quoi, un non-match, un match d'entraînement pour la Juve quoi, vraiment un pari mais qui est complètement perdu, qui est voilà quoi, y a, tu vois qu'il y a des gros soucis à partir de janvier, de toute façon, il y a des gros soucis à Paris, quoi. Mais tu vois que, de toute manière, le PSG revenait d'un stage, en fait, je crois, à l'île de la Réunion ou l'île Maurice, voilà, je sais exactement. Plus où. Il revenait du plein soleil, en fait, arrivé en hiver au Parc des Princes, où il avait neigé, il avait gelé. Le Parc des Princes était glacial, en fait, et on va dire qu'ils enchaînent erreur défensive sur erreur défensive. La Juve, ils viennent là en mode commando, musculairement ils sont prêts, enfin je veux dire ils sont en pleine bourre parce que en général les clubs italiens, comme on le sait, ils font une préparation de saison hyper difficile au mois de juillet, au mois de juin-juillet. Et en fait, ah bah, tout le monde vomissait, hein. Tout le monde vomissait leur trip au mois de juillet. D'ailleurs, il y a eu un reportage sur Zidane il y a peu de temps, où ils expliquaient que le préparateur physique, il leur faisait faire du cardio tout le temps. Ils avaient même chez eux, pour dormir, les stimulateurs musculaires. Ouais. Donc en fait, ils dormaient toute la journée, ils faisaient de l'entraînement musculaire, du matin au soir, même la nuit, avec les stimulateurs musculaires. Et les joueurs, ben, c'est vrai qu'au début, ils étaient cramés. Puis petit à petit, au fil de la saison, les joueurs, ils étaient vraiment dans une forme athlétique, quoi, en fait. Ouais, ouais. Et une forme exceptionnelle, parce qu'ils arrivaient justement en forme au moment important de leur saison et du championnat. Et janvier-février, ça correspondait exactement au début de l'apogée de la condition physique. Et ça a fait très mal pour le Paris Saint-Germain. Là, on parle même pas d'arbitrage ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas photo. Malheureusement, c'était une super Coupe d'Europe entre le vainqueur de la Coupe des Coupes et de la Champions League de l'année d'avant. Et dans la tradition, en fait, où justement, il y a souvent le vainqueur de la Coupe des Coupes qui tient la dragée haute celui de la Champions League. Et bien là, ça n'a pas du tout été le cas. Pour moi, c'était une grosse déception parce que je ne m'attendais pas à ce que le PSG soit aussi faible par rapport à la Juve. Ouais. Ce qui nous a un peu consolé dans le futur, c'est que bon, 10 ans après, tu apprends que la Juve, ils avaient utilisé de la créatine, etc. Voilà. Pour bon. Musculairement améliorer les joueurs. D'ailleurs, c'est cette période où la Juve va écraser le Milan AC en championnat en faisant des matchs exceptionnels à San Siro. C'était une Juve vraiment qui dominait la Serie A de long en large. Et, le Milan AC de Christophe Dugarry, d'ailleurs. Ouais, ouais. Christophe Dugarry. Ah oui. Qui voilà. On va pas en dire plus. Non, ça sert à rien. Puis au match retour, hein, la Juve qui bat Paris 3-1. Voilà, sur le score, les deux scores cumulés, ça fait 9-2 pour la Juve. Et donc on arrive à ce match contre Athènes. Alors juste avant, donc ça s'est joué le 6 mars 97. Juste avant, j'y étais, 1er mars 97, Coupe de France contre Clermont-Ferrand à Clermont, et Clermont qui va battre cette équipe parisienne. Paris qui menait 4-1, et Clermont qui revient qui fait 4 partout à la fin, quoi, en fait, et il gagne au tir au but. Enfin, ça a été déjà un moment magique pour les joueurs clermontois. Enfin, ça avait été voilà. Pour moi, ça c'est un souvenir d'enfance qui m'avait, enfin que je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Ouais. Bref, on arrive. Oui, pardon. Non, mais je disais, c'est marrant que tu parles de ça. Je m'en souvenais plus, mais dans les discussions entre supporters du PSG, ça revient cette histoire. C'est resté vraiment ancré comme une période vraiment difficile, hein, cet hiver-là, hein, de 97. C'est fou, hein. Ouais. C'est fou parce que voilà. Donc match aller donc à Paris, hein, contre Athènes, et score final 0-0. D'ailleurs, il y a un peu de désertion au niveau du Parc des Princes. Hein, il y avait que 21 000 spectateurs, 22 000. Il n'y a pas grand monde. Paris, qui n'y arrive pas à ce moment-là. Et qui peut, parce que jouer contre Athènes au match retour, dans un stade chaud comme les stades grecs, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'était compliqué. D'ailleurs, je me souviens très bien de la bande-annonce qu'avait fait la télévision grecque. Ils avaient passé à la télé pour montrer à quel point les Grecs avaient tout fait pour mettre en condition leurs joueurs et mettre le feu au retour pour que les Parisiens soient très mal à l'aise dans le stade. Et bon, le stade, c'était pas un des plus gros stades. Ah non, c'est pas un gros stade. C'est pas un gros stade, mais c'est quand même un stade puissant au niveau sonore, quoi. On va dire que c'était l'équivalent peut-être, je sais pas moi, d'un stade comme Dijon, Evian, ouais, Evian. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'était pas un gros stade. Bon, après, il y avait toute la panoplie des feux d'artifice, etc. Mmh. Mais finalement, le PSG s'est réveillé sur ce match autour, alors je sais pas pourquoi, mais ils ont fait une démonstration comme ils avaient fait au Celtic de Glasgow, en fait, l'année d'avant. Et on avait retrouvé le PSG, ouais. La victoire 3-0 avec un triplé de Patrice Loco. Ouais. Voilà, Patrice Loco vraiment nickel au niveau de ce match-là. Après, on retrouve Bernard Lama au but. Il y a peut-être, on retrouve un peu l'équipe type qu'il y avait en début de saison, et c'est pour ça peut-être que ça va mieux. L'hiver est fini, ça va peut-être beaucoup mieux maintenant, quoi. Peut-être, c'est peut-être ça. De toute manière, je pense qu'il fallait que les joueurs se remettent en cause, parce qu'en championnat ils perdaient des points, Monaco était repassé devant, je crois, à un moment donné. Enfin bon, il fallait vraiment à tout prix finir bien la saison et avoir des objectifs, soit d'arriver en finale, soit d'arriver en champion de France, quoi. Les Parisiens, ils ont toujours eu du mal avec l'hiver, là. Toujours. Mais ça, c'est un truc qui date de, on va dire, de 94, en fait. À partir du moment où ils ont commencé à acheter, enfin, il y avait déjà Valdo, mais quand ils ont pris Rai et qu'ils ont pris, je sais plus qui derrière, bah, ça a continué jusqu'à Okocha, ça a continué jusqu'à. Mais si tu veux, on associait ça au fait que les joueurs d'origine brésilienne ou africaine ne supportaient pas l'hiver à Paris. Et on mettait la faute sur ces joueurs-là, mais je pense que c'est resté ancré en fait dans l'inconscient. Mais c'était pas ça la cause exacte, à mon avis. C'était plus que, hein, si tu veux, les Parisiens, ils avaient l'habitude de sortir comme ils font aujourd'hui. Mais à l'époque, t'avais moins de médias, t'avais moins de réseaux sociaux. Donc finalement, t'étais moins au courant de ce qui se passait dans les coulisses, quoi. Mais je pense qu'il y avait plus une raison extra-sportive, on va dire. D'accord, ok. d'ailleurs, l'année d'avant, ça s'était exactement passé pareil. Passé exactement pareil. Ils avaient été obligés d'appeler Yannick Noah, qui était à l'époque entraîneur de l'équipe de France de tennis, pour essayer de faire revivre le groupe sereinement, que ça redevienne une bande de potes. Tu te rends compte que chaque année, c'est pareil. Il y a toujours quelque chose qui casse au niveau de l'hiver, quoi, à partir de décembre, janvier, quoi. Ah ouais, on se laisse aller. Il y a les Champs-Élysées, il y a les boîtes de nuit. C'est ça. Il fait froid, on va se réchauffer après le match. Exactement. Exactement. Et donc Paris qui est qualifié pour les demi-finales. Et attention, là, c'est le carré magique en demi-finale. On peut retrouver le FC Barcelone, la Fiorentina et Liverpool. Et Paris va hériter de Liverpool. Et là, Liverpool, à cette époque-là, c'est pas rien. Hein. On retrouve, je crois, Robbie Fowler notamment. Enfin, il y a McManaman, voilà. Il y a du gros en face, quoi. Voilà. Tout simplement. Il y a surtout David James dans les buts. Hein, ah oui. Joueur qui va qualifier le PSG au final. C'est ça, ouais. Vas-y, je t'en prie, hein, parle-en de ce match-là. Donc, victoire C'est quand même un... Bon, je peux pas dire un exploit, mais c'est une surprise quand même, parce que Paris gagne 3-0 le match aller. 3-0 contre Liverpool, c'est pas rien. Bah, la première chose en fait que moi je veux dire dans ce match-là, c'est l'hommage rendu par les ultra-parisiens aux supporters de Liverpool historique, en fait, avec un tifo dans les tribunes leur rendant hommage avant le match, en fait, que c'était les plus grands supporters européens de l'histoire, etc. Il s'était marqué « Welcome to the legendary fan ». Ouais, voilà. Et c'est quelque chose de... je vais dire, c'est un respect par rapport à des supporters historiques d'un grand club, en fait. Et ça montre à quel point, en fait, finalement, entre hooligans, on peut se comprendre. C'est ça. sans être méchant. Mais je veux dire, il y a une forme, en fait, il y a une culture. Tu vois, tu comprends qu'à cette époque-là, finalement, tu as une culture ultra, en fait, qui est en train de naître, en fait, en France. Mmh. Avec justement le respect de l'histoire, etc. Et c'est quelque chose d'important que je pense qu'on n'avait pas vu dans un club français qui recevait des... Mis à part Lens, peut-être Lens, si tu veux, plus tard, qui vont faire le même genre de choses avec Arsenal, etc. Arsenal, ouais. Voilà, c'est un match, en fait, qui est monté sous pression déjà par tous les médias, parce que PSG-Liverpool, c'est un gros choc qui n'a jamais lieu dans l'histoire. Bizarrement, Liverpool, ils sont arrivés au Parc des Princes avec un maillot blanc, en fait, qui n'était pas du tout dans leur... C'est un maillot rare, en fait. Enfin, c'est un maillot inédit, en fait. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas s'ils l'ont fait spécialement pour la Coupe d'Europe ou quoi. D'ailleurs, c'est un maillot, je crois que tout le monde se moque un petit peu parce qu'il était vraiment pas beau, en fait, le maillot. Ils l'ont porté qu'une saison. Ça fait un peu un maillot rétro, en fait. Hein. C'est un maillot tout blanc avec juste... Alors, c'est peut-être un maillot, justement, historique, enfin, entre guillemets... Un peu comme l'OM qui avait fait, tu sais, maillot or là, le maillot or. Ouais, voilà, c'est un maillot historique en fait, je pense. Ça doit être en hommage au tout premier maillot qui a existé, peut-être de Liverpool. Enfin, ça doit être un truc comme ça, parce peut-être. Que je vois pas. C'est surtout qu'en plus, ils n'avaient pas de. Alors, ils n'avaient pas de Liverpool, en plus, ils n'avaient pas leur sponsor habituel qui était Carlsberg, parce qu'ils n'avaient pas le droit de porter un sponsor avec une marque d'alcool à l'époque, en fait. Voilà. Ils n'avaient pas le droit. En Coupe d'Europe, ouais. Ça devait être ça. Ouais. C'est ça. Et le match commence bien finalement parce que t'as un bon pressing en fait des Parisiens et tu vois des joueurs de Liverpool complètement désordonnés sur le terrain qui sont arrivés en fait longtemps avant le début du match et tu les vois en fait avec les. Justement, si vous aviez vu l'avant-match de Canal+ à cette époque-là, ils étaient allongés sur la pelouse avec leurs écouteurs en train d'écouter de la musique et puis allongés carrément sur la pelouse, pas du tout concentrés. Ouais. Et je pense qu'ils venaient là un peu la fleur au fusil quoi. En se disant que c'était gagné d'avance, quoi. Franchement, je sais pas ce qui leur est passé par la tête et ils ratent complètement leur match. T'as des déferlantes parisiennes avec un premier but de Leonardo qui vient conclure une action de Benoît Coé sur un tir. Ouais, c'est un superbe ballon. Ouais, pour Leonardo, en retrait, Loco le contrôle. Il a pas osé. Avec le roi, il a joué le 1-2. Récupération Coé. Et c'est James qui s'interpose. Coé but, but, encore. But. Et voilà. C'est le but de Leonardo. Et on a eu du mal à le mettre, mais on l'a mis. Hein. Avec Benoît Coé qui aura fait un match exceptionnel, là, justement, contre Liverpool. Superbe match. Parce que déjà, il met le deuxième but, en fait. Oui. Madame, Foller. Et il y aura peut-être un deuxième but. Ouais, le roi qui a senti très fort la tête de Leonardo et le but de Coé. À 3 minutes de la fin de la première période, Benoît Coé permet au PSG. Et les PSG, vraiment, tu sens que sur ce match-là, ils vont se qualifier. Hein. C'est marrant parce que tu sais, tu revois ce match-là, il y a 3-0 et tu repenses à PSG-Barcelone où il y a 4-0 dans un autre contexte et tu te dis le match, il est fini. Mais voilà, le match retour, c'est quelque chose d'incroyable parce que si tu passes au match retour tout de suite, tu te rends compte que c'est un autre contexte, une autre ambiance. Anfield, en fait, qui reçoit un club en Coupe d'Europe, c'est quelque chose d'impressionnant. Et je me souviens de la tête des Parisiens dans le couloir d'Anfield. Impressionné, ouais. Impressionné, et puis ils étaient terrorisés, quoi. T'avais certains joueurs, ils se demandaient, en fait, s'ils allaient réussir à tenir le score qu'ils avaient eu au match aller, quoi. C'était incroyable. Et puis, tu veux en parler du match retour? Tu t'en souviens, toi? Bah, je m'en souviens que le match aller était que sur Canal+ et le match retour était sur TF1. Et je me souviens d'avoir vu, ouais, comme tu disais, un Paris qui avait peur. Et ils ont pris l'eau, et heureusement, ils se sont pris que 2 buts, hein, victoire donc de Liverpool, 2-0. Mais moi, je me souviens, mais c'était vraiment à un poil de vraiment à pas grand-chose que Liverpool y revienne à 3-3, quoi. Ah, c'est sûr. Surtout 80e minute de jeu, c'est Wright qui marque le deuxième but, je ne me rappelle plus, ça doit être de la tête, je crois, qui marque. Tu vois un stade qui explose et là tu te dis là les 10 dernières minutes ça va être compliqué et Paris va quand même réussir à s'en sortir mais Paris ils n'ont pas eu énormément d'occasions en plus dans ce match là. Non, mais mis à part Patrice Loco au tout début de match oui. Où justement il peut calmer tout le monde mais finalement le PSG n'a jamais réussi à concrétiser un tir cadré ou etc. Et à la fin du match, d'ailleurs, t'as David James qui. Je pense que d'ailleurs, à la fin du match, il y a des joueurs qui se gênent à Liverpool parce que t'as un dernier corner pour Liverpool pour le 3-0. Et David James, il arrive, il met son coup de tête, il prend la balle à 2 attaquants de Liverpool. Et finalement, David James, ça a été la clé pour que le PSG se qualifie sur les 2 matchs. Ouais. Si tu veux, il enlève les prolongations et puis au match aller, il fait n'importe quoi. Donc. C'est de toute façon David James le retrouvera plus tard en équipe d'Angleterre où c'est le gardien qui était dans le fameux Angleterre France à Wembley où justement Zidane met le penalty et le coup franc pour que la France voilà. Gagne en phase de groupe voilà c'est ça avec Zidane qui vomit. C'est ça. Il y aurait eu 3 partout. Prolongation, Liverpool, je pense qu'il battait Paris. Ah oui, se qualifier, c'était obligé. Obligé. Ouais. Parce que là Paris, ils n'y arrivaient pas. Et donc Paris, nouvelle fois en finale de la Coupe des Coupes, 2e fois d'affilée. Et ils vont rencontrer le SC Barcelone. Alors là, c'est une autre paire de manches. C'est pas le Rapid de Vienne de l'année dernière. Là, c'est le FC Barcelone. Alors, je vais juste rappeler un petit peu l'équipe type de cette équipe de Barcelone avec au but Vitor Baia, le Portugais. En défense, nous avons Albert Ferrer, Albert Abelardo, Fernando Couto, Barouane. Je dis n'importe quoi. Nous avons Pep Guardiola aussi, Popescu, Ivan de la Peña, Luis Enrique, Luis Figo et Ronaldo. C'est pas rien. Hein. On était en remplaçant aussi Stoïkov aussi. Mais t'as l'impression qu'en fait le PSG en jouant contre le FC Barcelone, t'as l'impression qu'ils jouent une autre coupe que celle qu'ils avaient jouée l'année d'avant. Parce que l'année d'avant, ils font une finale contre le Rapid de Vienne, une équipe vraiment de seconde zone en Europe. Et là, contre le FC Barcelone, t'as l'impression que finalement le PSG là, il joue une finale de Coupe des Champions. De Ligue des Champions, ouais, voilà, c'est clair. C'est une sacrée grosse équipe, hein, avec Luis Figo, Luis Enrique, Ronaldo, c'est Guardiola, c'est vraiment. C'est vraiment une grosse équipe. Et malheureusement, alors vraiment un match pas terrible. T'as trouvé pas le dire. Je l'ai pas trouvé sans ça ce match-là. Paris a pas géré correctement ce match. Ils ont pas eu énormément d'occasions. En plus, je crois que Patrice Loco il trouve le poteau en seconde période, je crois. Ils ont pas eu de chance Paris devant le but en fait. Bah moi déjà la performance en fait que je salue c'est que le PSG tenant du titre remet son titre en jeu voilà. Seconde année dans cette coupe, c'est quand même une bonne performance. Ah oui, bien sûr pour un club français, c'est sûr que c'est une grosse performance ouais. Voilà. C'est un truc qui est pas arrivé déjà pour un club français comme tu dis et puis déjà. Dans l'histoire du foot, on sait que c'est hyper difficile de rééditer le même genre de performance sur 2 années de suite. Là t'as quand même les moyens de remporter la finale ou de faire jeu égal avec le FC Barcelone parce que faut dire que c'est l'année où t'as Ronaldo qui devient le grand joueur en fait qui va être dans le futur avec la Seleção en Coupe du Monde etc. Il n'est pas encore à son apogée mais il en est pas loin quoi. Il est cette année où il marque quand même le but tu sais où il traverse le terrain je crois non. C'est l'année suivante, là il va marquer sur pénalty celui-là. C'est l'année suivante contre la Lazio qui va traverser. Je te parle pas de ça. Je te parle du championnat en Ligue. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, contre Compostelle. Voilà, il traverse le terrain avec sa musculature énorme là. Et tu vois qu'il met des buts qu'on n'a jamais vus dans l'histoire du foot. C'est pas possible quoi. Et vous savez grâce à qui il marque donc il joue contre Compostelle, il marque ce but exceptionnel. Et grâce à qui il marque ce but exceptionnel? Vous savez qui ? Non. Franck Passy, non. qui jouait pour Compostelle et qui a perdu le ballon, justement. Ah, d'accord. Voilà. C'est une petite apportée comme ça pour se moquer de. Voilà, bref. Et donc, ouais, bah, Paris qui perd 1-0 grâce ben, à, ou à cause pour les Parisiens de Ronaldo qui va marquer sur, sur penalty. Voilà, Faute d'Engotti qui était le buteur l'année d'avant. Et c'est un triste destin pour lui, hein, malheureusement. Buteur une année, héros, et puis là, c'est. Puis le penalty, il est justifié. Hein, tu peux dire ce que il touche pas rien. Et Barcelone peut repartir avec De La Peña pour Luis Enrique. Ronaldo dans la surface. Pénalty! Oh, monsieur Merck n'a pas hésité. Il estime que Bruno Ngoti a commis une faute sur Ronaldo. Ben Ronaldo, on l'avait pas beaucoup vu jusque-là. Regardez, servi par Luis Enrique. Rapide Ronaldo, il manque son contrôle, pourtant il va vite. Oh oui, il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur la décision de monsieur Merck. On va revoir encore une fois cette action. Ngoti est un petit peu en retard sur ce tacle. Et on va avoir droit au tête-à-tête entre Ronaldo, surnommé Ronaldinho, compte tenu de son âge, face à Bernard Lama. Premier tournant de cette rencontre. But ! Et le Barça mène 1-0. Les supporters du PSG qui sont placés juste derrière Bernard Lama reste silencieux, abattu. Prendre un but comme ça dans une finale dès le début de la rencontre, c'est un coup dur. Par contre, côté supporter catalan, là c'est la fête. Donc, mais il y avait franchement, jusqu'à la fin, moi, j'y ai cru que le PSG pouvait égaliser. J'ai trouvé que c'était une bonne finale comparée à d'autres finales qu'on a vues dans le futur après. Oui, bien sûr. C'était un beau match, il y a eu des barres, des poteaux. Il y a une barre et un poteau cumulé de Luis Figo à un moment donné qui est assez hallucinant. Mmh. Qui fait un peu équerre en fait, le ballon tape le poteau et la barre. Non, mais c'était un match, franchement, j'ai trouvé très engagé, plein de suspense. Bon, après, c'est sûr que c'est toujours pareil, il faut être supporter d'une équipe pour avoir plus de, voilà, de sensations. Hein. C'est toujours la même histoire. Hein. Mais Leonardo a fait une belle performance. J'ai beaucoup apprécié ce joueur durant cette saison-là, il a apporté beaucoup au PSG. On va dire que sincèrement je trouve que c'était la dernière année où le PSG malheureusement a atteint un bon niveau en Coupe d'Europe parce que voilà, ça a été le néant pendant des années. Après ça a été un peu à partir de la saison 97-98 ouais, où ils seront qualifiés pour la Ligue des Champions parce que voilà, l'année d'après la Ligue des Champions il y a un nouveau format, il y a le premier et le deuxième de qualifiés et c'est vrai que ça va être un parcours un peu semé d'embûches. Hein, c'est bien celui-là où tu as justement le Bayern de PSG, où le PSG ils prennent l'eau littéralement contre 5-1, ouais, avec Carsten Janker et trucs comme ça. Au but, c'est Christophe Revaux. Enfin voilà, c'était une équipe. Tu perds tous tes bons joueurs en fait et tu récupères des joueurs moins bons en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est... Revaux, c'était pas non plus une assurance tout risque. Hein, non, bah justement, hein, ça a été. Pour moi, j'ai jamais compris pourquoi Revaux. Était à Paris. Enfin, Paris, c'était quand même un bon club, un très bon club français. Et je n'ai jamais compris pourquoi Paris n'avait jamais réussi à recruter un gardien, un très très bon gardien à cette époque-là, quoi. J'allais dire, je me souviens de 2-3 bourdes qu'il avait fait là, cette saison-là. Enfin, c'est... Justement, il en fait une contre le Bayern, je crois. Il dégage mal un ballon ou je ne me rappelle plus ce qui se passe, mais il fait une bourde justement contre le Bayern. Ouais. Non, c'était un des futurs espoirs, en fait. C'était un des espoirs, si tu veux, pour l'équipe de France. C'était un des meilleurs gardiens de l'époque. Et il devait faire une grande saison parce que tu avais Bernard Lama qui partait à West Ham, je crois, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, le PSG va rappeler Bernard Lama c'est vrai. Assez rapidement. Hein. Ouais. Mais non, pour revenir sur cette finale, bah, c'est la fin d'une génération, il faut le dire. Quoi. La fin d'une génération côté parisien qu'on ne retrouvera plus pratiquement. T'as des joueurs qui vont rester, je crois, comme Alain Roche. T'as Jérôme Leroy, Didier Demi. Je crois, non, Fournier va s'en aller, je crois, mais t'as les jeunes qui restent, et puis après Patrice Loco qui reste encore une année. D'ailleurs, c'est lui qui donnera l'année suivante qui donnera la Coupe de France au PSG là, avec le dernier tir au but de Marquet, ou la Coupe de la Ligue, pardon. C'était la Coupe de la Ligue contre Bordeaux. Ah, voilà, oui, comme tu dis, ouais, c'est la fin d'une. d'une grosse équipe de Paris Saint-Germain, en fait. Et tu vois, l'histoire avec Revo et Bernard Lama, ça me fait penser à Mandanda et puis Pelé l'année dernière, tu vois. Pelé, il a fait une année à Marseille et puis après, Mandanda, il est revenu, quoi. Ça me fait penser ouais, à la même chose. C'est un peu ça. Voilà, donc c'était tout pour cette Coupe des Coupes. Malheureusement, Paris, qui ne connaîtra plus la joie d'une finale pour le moment. Hein, mais voilà, c'était la dernière finale pour le moment du Paris Saint-Germain. Et malheureusement, cette coupe-là disparaîtra 2 ans plus tard pour laisser place à une coupe UEFA et une Ligue des Champions un petit peu revue, remodifiée et sûrement moins appréciable que dans le passé, quoi, malheureusement. Et passons maintenant à la Ligue des Champions. Et là, tu vas pouvoir un petit peu nous en parler, Flo. C'est vrai que c'est plus là ton dada avec la JOCR. Donc la JOCR qui était champion de France 95-96, qui avait gagné la Coupe de France et qui est qualifié donc pour la Ligue des Champions. Alors on va juste parler vite fait des départs et des arrivées. Alors il y a pas mal de départs quand même. Il y a Christophe Coquard qui part à Lyon. T'as Laurent Blanc qui part à Barcelone. Ce sera un flop pour lui à Barcelone. Corentin Martins qui partira pour le Deportivo La Corogne. Didier Autocoré. Alors bon, lui, il a pas. Lui, c'était plus un joueur des années 80 d'Auxerre. Il reviendra une année sans jouer. Il partira et puis voilà. Et dans les arrivées, alors il n'y a pas beaucoup d'arrivées finalement, hein, mais c'est quand même des arrivées qui vont être assez, qui vont être stratégiques pour le même payantes pour la JOCR avec l'arrivée de Steve Marley du Red Star en deuxième division. Et l'arrivée d'Antoine Sibierski de Lille, et on va se rendre compte que ces deux joueurs vont avoir un bon impact pour cette équipe d'Auxerre de cette année-là. Bah, tu veux nous dire quelque chose sur cette équipe d'Auxerre de cette année? T'en pensais quoi un peu de cette équipe Déjà, au niveau des départs, là, il y a 3 gros départs, comme tu disais, Coquard, Blanc et Martins. Ça, c'était des joueurs clés pour le titre de l'année d'avant. Et en arrivée, ouais, ça faisait un peu maigre, Marley et Sibierski. On ne savait pas trop ce qu'il valait, surtout bah, voilà. Il venait du Red Star. Et bon, voilà quoi. Mais en retour de prêt, on a eu Thomas Degnaud. Et c'est la saison où Degnaud il s'est vraiment révélé. Ah, en oui. fait. C'est un joueur inconnu aussi. Et en Ligue des Champions, il nous a fait beaucoup de bien. Il a été décisif. Ouais. Et il ne faut pas oublier qu'en prêt aussi, on avait envoyé en prêt Guy Vart chez Lachuer. Donc, c'est des joueurs que j'aurais bien aimé qu'ils restent à Auxerre dans cette période-là. Peut-être qu'on retourne en Ligue des Champions, je pense qu'ils nous auraient fait du bien. Et d'ailleurs, plus, Stéphane Guivarch qui deviendra meilleur buteur avec le Stade Rennais cette année-là. En plus. Meilleur buteur, oui. Donc ça n'a pas arrangé les choses, mais l'effectif était assez compétitif malgré tout cette saison-là. On avait Taribo West de mémoire. T'avais Alain Goma, t'avais Rabat Rivoni, t'avais Eric Assati, au but t'avais Lionel Charbonnier, t'avais un défenseur. Pardon ? On avait Diomède et Lasland aussi en attaque. Voilà, Lasland, Diomède, t'avais Philippe Violo, Tasfaout, Moussa Saïb aussi, Sabri Lamouchi. Voilà. Qui étaient quand même des pièces maîtresses de cette équipe auxerroise. Hein. C'est vrai que c'était des bons joueurs. Hein. T'avais Zelik aussi, qui était l'ancien qui venait d'arriver, ouais. Du Borussia Dortmund, contre lequel ils avaient joué en 93. Et malheureusement, Zelik qui n'arrivera pas trop à s'imposer à Auxerre, qui va rester juste une saison, quoi, en fait. Ah, il aura juste marqué 4 buts, quoi. Voilà. Il sera acclimaté en France, quoi. Exactement. Donc on arrive à cette Ligue des Champions. À l'époque, c'était que les champions de chaque pays qui se rencontraient. Alors il y avait encore un tour préliminaire avec des équipes légèrement plus huppées, entre guillemets, oui, parce que tu avais les Glasgow Rangers, tu avais Fenerbahçe, tu avais le Steaua Bucarest, Rapid de Vienne, voilà, des trucs, des clubs comme ça. Et donc on avait 4 groupes de 4 clubs. Voilà, qui se rencontraient en match aller-retour. Et après, ça, on passait directement une phase à élimination directe avec les quarts de finale, demi-finale et la finale. Et Auxerre qui tombe dans un groupe pas si facile que ça, en fait. Hein. On retrouve les Rangers, Glasgow Rangers, l'Ajax d'Amsterdam, quand même. À l'époque, c'était quand même une très, très bonne équipe. Et les Grasshoppers. Vice-champion d'Europe, oui, bien, t'as bien fait de le dire. Et les Grasshoppers de Zurich qui... alors, à l'époque, les équipes suisses, c'était quand même le championnat, était sur le déclin par rapport aux années 80. C'était un peu sur le déclin, mais pour moi, l'équipe des Grasshoppers de Zurich, c'était l'équipe la moins forte de ce groupe-là. Je sais pas ce que t'en pensais, mais Grasshoppers de Zurich, voilà. Quand tu regardes... Quand tu regardes les deux autres clubs, c'est quand même beaucoup plus prestigieux, quoi. Mais bon. Surtout les Rangers et puis l'Ajax Amsterdam dans le milieu des années 90, c'était quand même des grosses équipes. Hein. Disons qu'il fallait, enfin, il n'y a pas grand monde qui faisait un résultat là-bas, quoi. C'était un groupe assez relevé quand même. Hein, quand tu regardes, c'était pas non plus n'importe quoi. Hein. C'est ça. Et donc, alors, je vais juste rappeler les autres groupes. Comme ça, après, on passera exclusivement au groupe d'Auxerre. Dans le groupe B, on retrouve l'Atlético Madrid, Borussia Dortmund. Je ne sais pas si je le dis bien, le Widziu Łódź, une équipe polonaise, et le Steaua Bucarest. Dans le groupe C, nous avons alors là une belle armada quand même. Il y a la Juve, Manchester United de Cantona, Fenerbahçe, le Rapid de Vienne. Et enfin, dans le groupe D, nous avons Porto, Rosenborg, Milan AC et le IFK Göteborg, le Milan AC, comme je l'avais dit tout à l'heure, de Dugarry. Mais on va donner un nom un peu plus prestigieux, de Georges Weah aussi. C'est quand même beaucoup plus... Et de Baresi aussi, et de Maldini. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Et le Milan AC qui sera éliminé au premier tour. Qui sera éliminé au premier tour et Georges Weah qui mettra un énorme coup de tête à un joueur du FC Porto. Comment il s'appelait le défenseur que j'aimais pas là Georges Costa, non Georges Costa, ouais. C'est cette année-là qu'il faut un énorme coup de tête dans la gueule de Georges Costa. Et je me souviens que les caméras filmées, alors pas au moment du coup de tête, mais filmées après, t'as Georges Costa qui faisait exprès de se montrer à la caméra en disant « Ouais, vous avez vu ce qu'il m'a fait ?» Et je crois qu'il avait pris des matchs de suspension, justement, Georges Weah. Voilà, bref, on retourne à ce groupe A avec la JOCR. Et donc, le premier match de la JOCR, bah, vas-y, je t'en prie, hein, tu peux nous en parler contre qui C'était contre l'Ajax, donc une défaite, on va dire, logique, 1-0 quoi, contre le grand Ajax de cette époque-là. Bon, à domicile, ouais. À domicile en plus, donc c'est l'Ajax, quoi, après. Mais est-ce qu'à l'époque, est-ce que toi, t'étais confiant dans ce groupe-là? Ah non, clairement pas, non, avec l'Ajax et puis les Glasgow Rangers, non, clairement pas. Donc, moi, je me souviens, je me disais, au pire, ils vont terminer 3e. Parce que, voilà. Parce que le Grasshopper Zurich, normalement, c'est dans la poche. Mais faire des résultats contre l'Ajax, surtout à l'extérieur, ça sera complètement, quand même compliqué. Quoi. Donc, défaite logique, voilà, comme tu dis, 1-0 à domicile. Pourtant, le stade était plein, hein, 18 500. C'était le stade presque plein, hein, parce qu'il faisait combien à l'époque, le stade? Wow. Légèrement plus. Ouais. Mais tu sais, ouais. Pour revenir sur cette Ligue des Champions, c'était une des dernières années où il n'y avait pas l'arrêt Bosman. Les clubs avaient leur ossature néerlandaise, italienne, suédoise. À l'Ajax, il y avait encore tous les grands joueurs qui avaient joué la finale de 96. Voilà. Milan, plus ou moins les grands joueurs, ça commençait à être le déclin parce qu'ils commençaient à entasser les joueurs dans n'importe quel sens. Mais je veux dire, tu avais la chance encore de rencontrer des équipes qui avaient des racines, si tu veux, tu vois. C'est quelque chose de. Pour moi, c'était une des dernières grandes années de Coupe d'Europe traditionnelle. Exactement. C'est pour ça que c'est ma préférée, celle-là, parce que c'est la dernière. Et puis, ils avaient en plus changé, comme je disais, ils avaient changé de formule l'année suivante. Ça devenait un peu nul, cette Ligue des Champions. Voilà. Donc défaite 1-0 face à l'Ajax d'Amsterdam et là un déplacement d'Auxerre aux Rangers en Écosse dans un Hampden Park archi plein et là l'exploit d'Auxerre qui bat le Glasgow Rangers 2-1 à l'extérieur avec deux buts de Thomas Donio qu'on connaissait pas forcément et qui c'est vrai que c'est ses deux premiers buts de la saison en plus. C'est bien fait avec Donio ça. Diomède, il va aller provoquer Moore, mais au centre, il y a Degno. Oh, Et but. Superbe but de Degno. Dans un silence de mort et surtout sur une provocation remarquable, mais quelle est belle la tête de Thomas Degno. Quatrième en tout qui va être frappé par Diomède. Beaucoup de maillots bleus et deux maillots blancs. De Gno et de Lamouchi. Ah, une aide avec Moussa Saïb. Ah oui. Et but, et but. Superbe but. Oh là, la tête encore. Encore de Gno. Oh, premier poteau. Là, il n'était que deux. Oui. Quand tu perds le premier match à domicile contre l'Ajax et que ton deuxième match est à Hampden Park, t'en emmènes vraiment pas large. Mmh. Et là, ouais, comme tu dis, l'exploit, quoi. Doublé de Denis, on gagne 2-1 là-haut et on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire si on est un peu plus sérieux, si ça va bien, il y a peut-être quelque chose à jouer dans ce groupe-là, quoi. Mais excuse-moi, ils l'ont joué à Ibrox Park ou à Hampden Park le match, en fait? Ah, c'est peut-être à Ibrox, alors je sais pas. Ibrox, ouais, le stade ouais. Des Glasgow Rangers. Ah, d'accord. Ah, Ibrox, pardon, oui, c'est vrai. Ibrox, ouais. Donc, victoire 2-1 grâce à Thomas Degno. Le troisième match, c'est contre les Grasshoppers de Zurich. Alors, victoire 1-0 grâce à Thomas Degno, encore une fois. Récupération, Ena. Ah, il l'a levé, ce ballon. C'est un mec qu'on on le voit pas beaucoup. En plus, en championnat, il marque pas. Et en Ligue des Champions, il est présent. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Après, bon, la logique est respectée. On joue contre les Grasshoppers, on gagne. On a gagné contre les Glasgow. On se dit, ça y est, on va réussir à faire quelque chose. On est sur une bonne dynamique. Il faut continuer comme ça. Et puis, malheureusement, le match retour, ça va pas se passer de la même façon. Nouvelle défaite, quoi. Alors, match, c'est contre les Grasshoppers de Zurich, donc là-bas en Suisse, et fait de match. Auxerre, pour la première fois de sa carrière, joue en rouge. Exact. Parce qu'en fait, Grasshoppers, il joue avec un maillot blanc et bleu. Donc, en fait, dans les deux cas, il y aura eu confusion dans les maillots. Et donc, Auxerre qui joue à l'extérieur avec un maillot rouge. Et je me souviens aussi de ce sponsor, alors c'était pas Fimagest, le sponsor, c'était TF1, et c'est rare, même je crois que dans l'histoire, TF1 c'était juste le sponsor de Coupe de France dans les années 90, mais en Coupe d'Europe c'est peut-être le seul club à avoir eu TF1 en sponsor pour la Ligue des Champions. Ouais, bon après, vu que TF1 rediffusait la Ligue des Champions... Ouais, voilà. Pourquoi pas, mais bon, ça faisait bizarre. Moi personnellement, je l'aimais pas du tout, ce maillot là avec les sponsors. Bizarre, hein. C'était vraiment bizarre, ce maillot là. C'est sûr. Donc, défaite 3-1 avec en fait, il n'y a pas vraiment eu de buteur pour Auxerre parce que c'est un but contre son camp en fait. Bon, alors perdre contre Zurich, c'est pas forcément une bonne affaire, et en plus, il va falloir faire un résultat contre Amsterdam, et là, encore un exploit d'Auxerre. Victoire 2-1. Alors, c'était pas l'Arena à l'époque, elle n'existait pas, je crois. C'était dans l'ancien. Si, c'est l'Arena. Non, alors, je dis des bêtises. Victoire 2-1 avec des buts de Diomède et Marley. De piquer son ballon parce que l'angle était fermé. Mais on a vu que par deux fois, Steve Marley avait pris le dessus. Et bien cette joué. Fois, et c'est le but. Il y est, but de Diomède sur cette droite de Diomède sur une déviation de Lasland. De Lille que Lasland. C'est bien joué Lasland, ils avaient failli ouvrir le score et là ils l'ouvrent vraiment. Ena, Saïb, Diolo. Attention les petits ponts, ça ne réussira pas à tous les coups, il revient Marley. West. Il a le contre pour lui, Taribo. Ah ouais. Oui, superbe but de Marley. Et superbe action de Taribo West. Que Taribo West et superbe Marley. Tout en puissance, Taribo. La JOCR qui fait un match complet là-bas, quoi. Ah ouais, c'était vraiment un match de dingue hein, qu'ils ont fait là-haut. Ils avaient une très belle intensité. Ils ont été vraiment, vraiment à fond dans le match et ils ont été chercher la victoire. De toute façon, ils n'avaient pas le choix quoi. Pour se qualifier. Il restait deux gros matchs contre l'Ajax. Voilà, et au soir du match du Grasshopper, ils étaient troisième du groupe Auxerre. Et là, ils repassent deuxième. Ouais, parce que malheureusement, le Grasshopper a battu l'Ajax chez eux aussi. Voilà. C'est incroyable, ça. Ouais. Donc quoi, c'est vrai qu'on se moquait un petit peu de Grasshopper. En fait, ils auront fait. Alors bon, ils vont pas terminer deuxième. Ils termineront troisième devant les Rangers, Grasshopper Zurich. Et malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, je sais pas comment on peut dire ça, la troisième place à cette époque-là n'était t'étais éliminé directement. T'étais pas qualifié pour la coupe UEFA quoi. T'étais les 3 et 4e place étaient élimination définitive. Et on passe au dernier match de cette poule. Donc Auxerre joue son avenir en fait, hein, joue son quart de finale contre les Glasgow Rangers. C'est victoire de 2-1 hein, encore une fois dans un stade mais archi plein. Là il y avait 21 300 spectateurs avec des buts de Lasland et Marley. Bien joué, Marley, il est passé. Il lui faut de l'aide, ou va-t-il y aller tout seul? Il va tout seul, superbe. Quel but! Quel joli but de Steve Marley, l'ancien Red Starman. Il est parti pratiquement du milieu du terrain pour aller le marquer. C'était un TGV face à des omnibus. Et donc, Auxerre qui termine premier de ce groupe-là. Alors là, c'est quand même un sacré exploit, quoi. Si tu veux, en fait, on était vraiment au pied du mur contre les Glasgow Rangers. On était obligé d'aller chercher la victoire. Et quand tu regardes le groupe et les matchs que Auxerre a fait, tu te dis, mais c'est vraiment un groupe bizarre avec des résultats bizarres parce qu'on perd logiquement contre l'Ajax et on perd contre le Grasshoppers de Zurich. On arrive à gagner deux fois contre les Glasgow Rangers. On bat l'Ajax chez eux. Enfin. C'est complètement assez hallucinant le niveau situation, scénario, renversement, tout ça, c'est assez hallucinant quoi. C'est assez dingue quoi. Je sais pas si en Ligue des Champions il y a eu des groupes comme ça qui a eu des revirements de situation où jusqu'à la dernière journée tout était jouable, mais là franchement et puis aussi premier Ouais, je disais, t'as également le groupe de Manchester et de la Juve où t'as Manchester qui fait contre-performance et qui après arrive avec des victoires aussi, mais c'est vraiment difficile pour eux. C'est un groupe vraiment compliqué, un peu comme celui d'Auxerre. Hein, ils s'en sortent. D'ailleurs, c'est cette année-là où Cantona parlait la dernière fois là, qu'il était allé jouer contre le Fenerbahçe. Il gagne là-bas et Cantona, en fait, t'as les supporters de Fenerbahçe qui sont très très en colère, donc pareil, qui commencent à jeter des projectiles. Ouais. Il est escorté par deux policiers qui sont censés le protéger et en fait, au moment où il est dans l'escalier, t'as un des policiers qui lui donne un coup de matraque, en fait. Ah d'accord. Voilà, bon ça c'est la petite anecdote. Donc la Juve première, Manchester deuxième. Je reviens juste vite fait dans le groupe A. Hein. Donc AJ Auxerre premier, c'est l'Ajax Amsterdam qui se qualifie pour le tour suivant. Dans le groupe B, c'est l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund qui seront qualifiés. Et enfin dans le groupe D, c'est le FC Porto et Rosenborg, voilà, qui seront qualifiés. Milan AC qui termine troisième. Milan AC qui a perdu. Qui a gagné deux matchs, qui a fait un match nul et qui en a perdu trois. Hein, Milan AC qui a perdu justement à domicile contre Rosenborg en plus. Enfin, ça avait été un match, je me rappelle, complètement minable de la part de Milan AC. Et donc on arrive aux quarts de finale. Les quarts de finale qui voient. Alors on parlera d'Auxerre après. Hein, il y a notamment l'Ajax d'Amsterdam contre l'Atlético Madrid. Et ce sera l'Ajax qui passera dans un score cumulé de 4-3. À l'aller, ils font 1-1. Et au match retour, ils font 3-2 après prolongation. Voilà. Rosenborg qui reçoit la Juve. 1-1 à l'aller en Norvège et victoire de la Juve 2-0 au match retour. Et Milan AC qui battra Porto 4-0 sur un score cumulé, enfin sur les deux scores cumulés. Et victoire 4. J'ai dit quoi, Manchester quoi, City, non ? T'as dit Milan AC. Ah pardon, Manchester United, excusez-moi, qui battra donc Porto 4-0 à l'aller, il y aura 0-0 au match retour. Je me souviens, le match à Porto au match retour, il était pitoyable aussi. Enfin, ça avait été un non-match de Manchester. Et on arrive donc à la JOCR qui affronte pour la deuxième fois de son histoire le Borussia Dortmund. Et malheureusement, en 92-93, ils avaient perdu au tir au but, pourtant en étant héroïque au match retour. Et là, à l'aller, ça va se compliquer contre le Borussia. Ils vont perdre 3 buts à 1. Ça va être un match très compliqué pour la JOCR. En fait, ils tombent vraiment contre plus fort qu'eux, quoi, en fait. Ah bah là, oui. Bah, de toute façon, avec l'équipe que Dortmund avait dans cette période-là, de toute façon, on était tombé sur un gros morceau. Mais tu me diras, à partir des quarts de finale, il y avait vraiment, à part Rosenborg et l'Atlético qui étaient prenables. Dès que tu arrives en quart de finale, c'était quand même des affiches de prestige. Tu n'avais vraiment que des... Rosenborg, normalement, ça aurait été, si la logique le voulait, c'était le Milan AC. Mais sinon, tu as quand même que des grosses écuries. Et là, pourtant, le Borussia Dortmund, c'était pas une équipe qui était favorite à cette époque-là. Hein. Non. Bah, j'ai pas trop de souvenirs qu'on parlait beaucoup de Dortmund en fait à cette période-là. Je me souviens surtout qu'on parlait de Matthias Sammer, voilà. Mais pas de l'équipe en elle-même, tu vois. Pour le titre, vous parlez de champion ou d'Europe ou par rapport à quoi ? Bah, par rapport à la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund n'était pas forcément favorite de cette compétition. Au tout début, ouais, c'est possible. Mais au fur et à mesure que ça avançait, quand même, tu sentais qu'il y avait une grosse. Bah, surtout la demi-finale contre Manchester, hein, ça avait. Il y avait une sacrée écurie, voilà, c'est sûr. Et donc défaite de Auxerre 3 buts à 1 à l'aller. Nous arrivons à ce match retour. Match retour où ce fut, y a eu un gros fait de jeu en fait. Vas-y, t'as qu'à en parler, Flo, je t'en prie. En fait, on a besoin de gagner clairement tout ça. Donc on fait un bon match, on a les occasions et c'est qui fait la retourne acrobatique, Lasland. Lasland, qui fait la retourne acrobatique. Le but est clairement valable. Et l'arbitre, injustement, va nous le refuser. Alors, pour quelle raison, on n'en sait pas, mais le but est refusé. Et on perd 1-0 de ce match-là, quoi. Donc, c'était un gros souci d'arbitrage. Je me souviens, tout le monde en avait parlé à l'époque. Mmh. Ils en avaient parlé pendant un sacré bout de temps. Hein. Et puis même, on se souvient maintenant quand on dit Borussia Dortmund, je pense que la plupart des gens qui ont connu cette époque-là, il se rappelle de ce fait de jeu de Lasland qui injustement se fait annuler son but. Et d'ailleurs, le dimanche, juste après ce match-là dans Téléfoot, il y avait eu Jean-Michel Larquet qui est allé voir Joël Quignoux, ancien arbitre international français, pour montrer, savoir si lui trouvait que c'était un scandale ou est-ce que c'était justifié. Et malheureusement, pour tous les fans de la JOCR, tu as Joël Quignoux qui disait « Non, il y a réellement faute. On voit que le coup de pied est sur la tête du joueur. » Alors là, moi, c'est vrai que j'avais jamais compris pourquoi on avait sifflé une... Enfin, on avait annulé le but parce qu'on voit que le défenseur, il approche sa tête, mais c'est pas un coup de pied délibéré dans la tête du joueur, quoi. On appelle donc ça une bicyclette, un geste technique idéal réalisé à 1 mètre du sol dans une position d'équilibriste. Mercredi soir, Lasland est un funambule parfait, mais son but est refusé, motif. L'avant-centre d'Auxerre a joué dangereusement. À ce sujet, le règlement est flou, tout au plus précise-t-il qu'il ne faut pas jouer de manière dangereuse, ce qui apparaît la moindre des choses. Joël Quignoux et Jean-Michel Larquet ont visionné encore ce but sans se mettre d'accord. Le jeu dangereux, en tous les cas, le pied en l'air est réel. L'arbitre ne l'a pas inventé. Donc l'arbitre considère que ce pied en l'air constitue un danger pour son vis-à-vis, pour le joueur allemand, qui l'a empêché de jouer normalement. Pour moi, Lasland est le premier à déclencher le geste et il y a toujours avantage à celui qui attaque le ballon. Ensuite, Kri, le défenseur de Dortmund, n'est pas au marquage de Lasland. Il est loin de l'action et il se jette plus sur le pied que sur le ballon. Ensuite, Kri sait très bien qu'il n'aura pas le ballon. Un joueur de ce niveau sait très bien qu'il n'aura pas ce ballon. Et il cherche la faute qu'il obtient. Donc pour moi, incontestablement, ce but était là. Bah, je ne sais pas l'arbitre ce qu'il avait vu ou ce qu'il avait pensé voir, mais alors là, c'était vraiment... De toute façon, maintenant, tu me parles de Dortmund, à chaque fois, je pense à ça, du coup. C'est ça, malheureusement. Mais bon, après, voilà, comme on disait tout à l'heure, voilà, les erreurs d'arbitrage qu'il y avait eu déjà plus tôt dans la saison en Europe, bah, ça avait continué avec Auxerre. Donc, bon, ça ne date pas d'aujourd'hui. Malheureusement, ça nous coûte. Je ne dis pas qu'on se serait forcément qualifié, mais je pense que les deux confrontations auraient été plus serrées, forcément. Ouais, et je me souviens d'un autre fait de match aussi, c'est Giroud qui court tout autour du stade pour récupérer les ballons. Parce qu'il y avait eu, il y avait eu un ballon dans les tribunes et il y a le, un spectateur qui ne voulait pas rendre le ballon. Et là, tu vois Giroud qui court du second de touche, qui fait un demi, qui fait presque la moitié du terrain pour aller engueuler le spectateur pour qu'il lui rende le ballon. Ça, c'était du Giroud tout craché, quoi, en fait. Oui, parce qu'il disait que les ballons, ça coûtait cher. Et puis voilà. Et qu'il ne se voyait pas quitter le stade sans avoir récupéré tous ses ballons. Je pense qu'à chaque fin de match, il regardait s'il y avait tous les ballons qui étaient revenus. Hein. C'était, voilà. Bon, c'était Giroud, hein, de toute façon. Donc, D'ailleurs, Giroud, qui, pour les équipes adverses, qui mettait des ballons dans la piscine du club, dans les vestiaires, il y avait une petite piscine, et il mettait les ballons pour les adversaires dedans pour les rendre beaucoup plus lourds, en fait. C'est un truc justement qui a été révélé par Lionel Charbonnier il y a peu de temps, en fait, qui disait que à chaque fois qu'il y a des grandes équipes qui venaient, Giroud mettait les ballons dans l'eau pour les gonfler un petit peu plus et que les joueurs se fassent un petit peu mal aux pieds à l'entraînement, quoi. Voilà. Ce que je retiens beaucoup, c'est Giroud avec son bonnet sur le banc de touche, enfin. Ça aussi, c'est une image qui reste, quoi, surtout en Ligue des Champions. Un entraîneur atypique comme ça. C'est ça. Bah, c'est quand même un entraîneur qu'on adore. C'est le mec qui a commencé avec le club en bas de. Je crois que c'est en 3e division qu'il a commencé, même plus bas, et qui a réussi à petit à petit à faire monter, comme Loulou Nicolin, justement, avec Montpellier, qui a fait monter petit à petit le club. Alors c'est vrai que la JOCR, c'est pas un club qui a énormément remporté de trophées. Il y a qu'un titre de champion de France, il y a des coupes de France, mais ça a toujours été des titres mérités, quoi. Coupe de France, on en a gagné 4, ouais, 4 quand même. Ouais, voilà. Ouais. Et coupe Intertoto pareil, on a dû en gagner une ou deux. Bon, après c'est un petit club. Mais il a commencé à décliner à partir de quand Giroud est parti, quoi, ça a commencé avec Jean Fernandez. Ah bah oui. Il y a eu, comment il s'appelait, Daniel Roland aussi, qui l'avait remplacé une année, là, la saison 98-99 ou 97-98, je ne me rappelle plus, et que ça s'était très très mal passé, et Giroud était revenu l'année suivante, et il avait commencé à gagner la Coupe de France, et trucs comme ça, enfin une deuxième Coupe de France. C'était en 99-2000, parce qu'il avait des problèmes de cœur, je crois, Giroud, et il l'avait remplacé, on avait fait une très mauvaise année. On avait dû terminer vraiment aux portes de la relégation, 15e, 14e ou 15e, vraiment pas loin de la relégation. Et Giroud était revenu en 2001, et à partir de 2001, il y a eu l'émergence de Mexès, Cissé, Capot, tout ça, et on a eu 3-4 bonnes années. Ouais. Jusqu'en 2005, on gagne notre dernière Coupe de France contre Sedan, et qu'on arrive à faire quelque chose, quoi. Mais après 2006-2007, ouais, jusqu'à là, c'est eu des périodes un peu creuses. Ces périodes-là. Ouais, oui. Jusqu'à la qualification Ligue des Champions en 2010, où on tombe contre le Real et le Milan AC, et puis voilà. L'apogée. Voilà, et puis après, bon, bah, descente. Redescente, voilà. Voilà, donc fin de parcours pour la JOCR en quart de finale. On va parler de demi-finale avec le Borussia Dortmund qui rencontre Manchester United. Et victoire hein, sur les deux matchs, 1-0. Sur les deux matchs, fin de parcours pour Manchester United et fin de saison pour Cantona qui va la même année annoncer sa retraite alors qu'il a encore des années, il peut jouer encore 2-3 ans au football mais lui préfère arrêter. Donc fin de carrière pour Cantona. Et un remake de la finale de l'année dernière, de l'année précédente, pardon, avec l'Ajax contre Dortmund, sauf que là, ça prend un tout autre sens. Victoire de la Juve, 2-1 Amsterdam, et victoire après 4-1 au match retour. Je ne sais pas si toi, Gabi, tu as des souvenirs de cette demi-finale. De cette demi-finale, Juve-Ajax, c'est ça? Juve-Ajax, ouais. Ouais. Non, parce que tu parlais de remake, c'est pas vraiment un remake. De la finale d'année dernière. Enfin, oui, bon, c'était. Bah, l'année d'avant, il y avait bien eu Juve-Ajax ouais, en finale. En finale, voilà. Ouais, c'est... Oui. Je pensais que tu parlais de la finale. Okay. Une revanche. Ouais. Allez, si on veut une revanche. Quoi. Parce que non, les équipes n'ont plus du tout le même rapport, je veux dire, de valeur. C'est-à-dire que la Juve est encore plus forte et ils se sont séparés un peu des anciens. La Juve, ils ont récupéré des superbes joueurs qui sont en pleine forme, comme Zidane, comme il y avait Christian Vieri. Il y a Del Piero, si tu veux. Et pas de l'autre côté, bon, l'Ajax, c'est bizarrement, ils finissent très très mal la saison, l'Ajax, parce qu'ils ont eu des défaites chez eux contre grâce au Port Zurich et Auxerre, etc. Tu vois que finalement, c'est plus la même défense sereine, etc. Même s'il y a toujours des Litmanen, des Kluivert en attaque, mais il n'y a plus. Ce sera sa dernière année d'ailleurs, Litmanen. Ouais. Et je crois. Et c'est dommage parce que finalement la Juve il s'impose facilement à l'Arena d'Amsterdam 2 buts à 1 je crois, c'est ça? Ouais, 2 buts à 1, ouais. Ouais, et il y a une démonstration de Zidane dans ce match-là avec des chances. Il y a une puissance physique, une puissance technique, une sérénité. Tu vois que là, sincèrement, comme disait Flo tout à l'heure, c'est un favori en fait, c'est vraiment un favori pour le titre comparé à Dortmund. Ouais, largement. Dortmund était un peu l'outsider cette année-là, et ils se sont révélés grâce à la confrontation avec Manchester United, où à Old Trafford ils font cavalier seul, et c'est vrai que Cantona à la fin du match il est désespéré et puis il dit que il dit que la prochaine génération de Manchester sera la génération des vainqueurs de la Champions League dans les années à venir. Et deux ans après, voilà. Il avait raison. Mais Cantona qui voulait vivre une finale de Champions League, bah, peut-être qu'il se rend compte qu'il est un peu trop tard. Et tu te rends compte que Dortmund, c'est pratiquement l'équipe d'Allemagne de toute manière. Hein. T'avais bien sûr. Il y a juste le gardien qui sera, je crois, je me demande s'il ne sera pas de gardien remplaçant, ou encore troisième gardien, Stefan Klose. Après, t'as quand même une grosse ossature de l'Allemagne qui jouera la Coupe du Monde 98, quoi. Ouais, et... Lars Ricken aussi, qui n'était pas mauvais, qui a fait pratiquement sa carrière à Dortmund. Lars Ricken, qui joue en Allemagne aussi à sélection. Qui nous a fait du mal avec Auxerre, du coup, aussi. C'est ça, exactement. Très belle équipe, la Juve, hein, cette année-là. Et donc, finale entre le Borussia Dortmund et la Juve. Alors, le Borussia qui joue entre guillemets presque à domicile, même si c'est à Munich, ça joue en Allemagne. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de sièges pris par les supporters du Borussia Dortmund. Il y aura 59 000 spectateurs. Déjà, ça fait deuxième finale en 4 ans à Munich. C'est vrai que c'est assez rapproché entre les deux finales de 93 et de 97. Et ça verra on verra la victoire du Borussia Dortmund 3 buts à 1 avec un Dortmund puissant, avec un Riedel qui va marquer 2 buts, dont un, je crois que c'est une... Alors, est-ce que c'est Ricken ou c'est Riedel qui marque une espèce de frappe lobée C'est Lars Ricken qui marque. C'est Lars Ricken, oui, pardon. Alors, ce sera Lars Ricken qui marquera le troisième but d'une espèce de frappe lobée. D'ailleurs, Lars Ricken qui rentre à la 70e minute de jeu et qui marque... même pas une minute après, voilà. Il marque 16 secondes après, voilà. En touchant son premier ballon. Le buteur le plus rapide en finale. Ouais. C'est ça. Ouais. Et là, la Juventus qui n'y arrive pas, quoi, en fait, contre cette équipe du Borussia. C'est pareil, c'est Dortmund qui ouvre le score déjà sur un corner. Et en fait, t'as Del Piero d'une superbe une superbe talonnade qui marque, qui égalise. Alors non, il marque 2-1 en fait, Del Piero. C'est au 2-1 qui marque son but. Ouais, voilà, il y a déjà 2-0. Et la Juve, qui est très mal embarquée dans cette finale. Hein. Ils ont l'habitude de rater les finales, la Juve, en fait, depuis un moment. Malheureusement, ça va être une des premières séries où, justement, ils vont arriver en finale et ils ne gagneront pas. Parce qu'en 98, ils vont arriver en finale aussi contre le Real. L'année prochaine, l'année d'après, ils ne vont pas gagner non plus. Ouais. Ils avaient eu énormément de mal contre l'Ajax et ça avait fini au tir au but l'année d'avant. Mais il y a eu un poteau aussi de Zidane, je crois, en fin de match, avant le 3-1 ou après le 3-1 du but de Lars Ricken. Mais ils sont déjà largués dans le match. Hein, ouais. Et voilà, donc bah Dortmund, deuxième équipe d'Allemagne, avec Schalke 04 qui remporte une Coupe d'Europe. Ce sera vraiment une saison complète pour les équipes allemandes. Voilà, bah, vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur cette Ligue des Champions ou un autre fait de jeu de cette année 96-97? Moi, j'ai juste l'impression qu'en fait, il y avait une différence entre la Coupe UEFA que le PSG joue. C'est ça contre Barcelone, la finale. La Coupe des Coupes. Et je trouve que la finale de la Coupe des Coupes était... Barcelone-Paris, c'était autre chose que Dortmund-Juventus, parce que Dortmund ne les attendait pas là. Ouais. La Juventus sont passés complètement à côté de la finale, et Barcelone-Paris, ça avait plus de gueule en finale, on va dire, de Coupe des Coupes que la Ligue des Champions. C'était plus vendeur, on va dire. C'était une finale de Ligue des Champions un peu bizarre cette année-là, en fait, je trouve. J'ai pas trop trouvé, non. Peut-être qu'après, c'est peut-être le fait que t'étais peut-être plus jeune ou que ça te parlait plus, Paris. Mais si tu veux, la Juventus, à cette époque-là, ça avait pris la place du Milan AC, hein, au mondial. C'était la meilleure équipe du monde, il faut le dire. Hein. D'accord. Ils avaient fait la Coupe Intercontinentale aussi, ils l'avaient remportée, etc. C'est quand même une surprise que la Juve perde par 3-1 en plus contre Dortmund, quoi. Je pense pas que tu t'attendais à une finale comme ça. Hein. Tu sais que la Juventus aurait peiné, mais de là à perdre 3-1, c'était pas trop ce que les gens espéraient, quoi. Non, c'est vrai que c'était une surprise le résultat final, mais je pense que le fait que ça se soit joué en Allemagne, au stade olympique de Munich, ça a joué pas mal, parce que du coup, t'avais beaucoup d'Allemands qui étaient un peu neutres à la base, qui voulaient pas voir la Juve gagner, qui était une équipe un peu détestée aussi, la Juve, c'était une équipe tellement puissante, tellement forte, t'avais l'impression qu'elle écrasait tout sur son chemin, en plus t'avais un peu les arbitres avec elle, on commençait à parler de dopage en Italie, enfin il y avait plein de choses qui rentraient en conséquence, et Dortmund c'était un peu la vague de fraîcheur à l'époque, si tu veux, qui faisait ses matchs et qui les emportait grâce aux jeunes, comme Lars Ricken, etc., avec une ossature d'anciens, avec Paolo Souza et puis Chapuisa, Reuter, les Samar qui avait gagné la, comment dire, le Ballon d'Or avec l'Allemagne, ouais, puis qui était Ballon d'Or aussi, ouais. Ouais, c'était vraiment, c'était une vague de fraîcheur là, Dortmund en fait en Europe, ils en parlaient beaucoup, ouais. Donc non, c'est finalement en fait quand tu regardes le résultat final. 3-1, c'est un peu sévère, mais par rapport à ce qu'a montré Dortmund dans cette finale, c'est logique, parce que la Juve a joué toujours en contre, en essayant d'obtenir des coups francs, des fautes, en jouant sur les individualités. Et d'ailleurs, t'as Paulo Souza qui jouait à Dortmund, qui a remporté donc la... en étant titulaire à la Ligue des Champions 97, et l'année d'avant, il l'avait remporté avec la Juve. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis Deschamps qui perd sa première finale de Ligue des Champions, après avoir tout gagné avec la Juve et Marseille. C'est ça. Donc, il voit ce que ça fait un peu la défaite. C'est marrant parce que dans les remplaçants, la Juve, t'as Alain Boksic aussi, que j'avais complètement... Alain Boksic qui jouera même la finale et qui sera remplacé à la 88e minute, en fait. Boksic, il a fait la Juve, il a fait d'abord la Lazio, il a fait la Juve, il est reparti à la Lazio après en fait. Mais à la Juve, il a fait qu'une saison, il a fait 34 matchs pour 7 buts quoi. C'est pas vraiment une saison vraiment réussite hein, pour en Italie quoi. Ouais. Mais la Juve en fait, durant ces années où ils avaient une grosse équipe très physique, ils avaient malheureusement un gardien qui était très moyen. J'ai toujours trouvé moi Peruzzi. J'ai trouvé vraiment pato, très lourd, en surpoids à chaque fois. Il était en surpoids de toute façon, Peruzzi. J'ai jamais compris ce gardien, pourquoi la Juve avait un gardien aussi moyen. C'est comme si, je sais pas moi, le PSG avait gardé Rovo pendant des années en ayant une superbe équipe ailleurs, quoi. Je sais pas. Ouais. Enfin, c'était assez hallucinant, quoi. Un peu comme Areola en ce moment, quoi. Areola, c'est pire que Peruzzi, je pense. Décidément, on n'arrive pas à trouver d'équivalent aujourd'hui. Mince. Je m'excuse pour Julio César David Valdez. Je suis peut-être allé un petit peu trop fort. Quoi. Excusez-moi. Voilà, bah c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette saison 96-97. Allez, on va juste rappeler le champion en championnat de France, ce sera Monaco. En Coupe de la Ligue, si je ne dis pas de bêtises, ce sera Strasbourg qui battra Bordeaux. Et en Coupe de France, saison 96-97, ben j'ai un trou, c'est qui va remporter C'est Guingamp, voilà, qui va battre Nice au tir au but. Voilà, exactement. Voilà, ben écoutez les gars, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce rétro-podcast. Hein. C'est le premier de la saison, il y en aura d'autres dans l'année, hein, de toute façon. Hein. Il y aura la Coupe du Monde 2002, il y aura la Coupe du Monde 86 avec Rétroplay 80 qui nous rejoindra aussi. Voilà, et ben écoutez les gars, merci beaucoup encore une fois. Et puis à très bientôt hein, pour de nouvelles aventures en rétro-podcast. Salut les gars. Salut. Salut. Tell me.